Un décor neutre. Des bancs pour le tribunal, un tabouret pour Jeanne, un trône, des fagots. Les personnages entrent par petits groupes. Jeanne est habillée en homme. Warwick et Cochon entrent les derniers. Nous sommes tous là? Bon, alors le procès tout de suite, plus vite elle sera jugée et brûlée, mieux ça vaudra pour tout le monde. Mais monseigneur, il y a toute l'histoire à jouer. Don Rémy, les voix, vos couleurs, Chinon, le sacre. Mascarade, messieurs l'évêque. Cela, c'est l'histoire pour les enfants. La belle armure blanche, l'étendard, la tendre et dure vierge guerrière, c'est comme ça qu'on lui fera ses statuts plus tard pour les nécessités d'une autre politique. Il n'est même pas exclu que nous lui en élevions une à Londres. J'ai l'air de présenter, monseigneur, mais les intérêts profonds du gouvernement de Sa Majesté peuvent être tels dans quelques siècles. Pour l'instant, moi, je suis Beauchamp, comte de Warwick. Je tiens ma petite sorcière crasseuse sur une litière de paille au fond de ma prison de Rouen. Ma petite empêcheuse de danser en rond, ma petite peste. Je l'ai payée assez cher. Si j'avais pu l'acheter directement à ce Jean de Ligny qui l'a capturé, je l'aurais eu à un prix raisonnable. C'est un homme qui a besoin d'argent. Mais il a fallu que je passe par le duc de Bourgogne. Et il avait été sur l'affaire avant nous et il savait que nous en avions envie et lui, il n'avait pas besoin d'argent. Il nous l'a durement fait sentir. Mais le gouvernement de Sa Majesté a toujours su payer le prix qu'il fallait pour obtenir quelque chose sur le continent. Elle nous aura coûté cher, la France. Enfin, je l'ai, ma pucelle. C'est d'un coût exorbitant pour ce que c'est, mais je l'ai. Je la juge et je la brûle. Pas tout de suite. Elle a toute sa vie à jouer avant. Sa courte vie. Cette petite flamme à l'éclat insoutenable, tôt éteinte. Ce ne sera pas bien long, monseigneur. Puisque vous y tenez, un Anglais sait toujours attendre. Vous n'allez pas vous amuser à refaire toutes les batailles tout de même. Orléans, Pathé, Beaugency, ce serait extrêmement désagréable pour moi. Rassurez-vous, monseigneur, nous ne sommes pas assez nombreux pour jouer les batailles. Bien. Jeanne? Tu peux commencer. Je peux commencer où je veux? Oui. Alors au commencement. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau, les commencements. À la maison de mon père, quand je suis encore petite. Dans le champ, je garde le troupeau, la première fois que j'entends les voix. C'est après l'angélus du soir. Je suis toute petite, j'ai encore ma tresse. Je ne pense à rien. Dieu est bon, qui me garde toute pure et heureuse près de mon père, de ma mère et de mes frères, dans cette petite enclave épargnée autour de Don Rémy. Mon gros chien est venu mettre son nez contre ma jupe. Tout le monde est bon et fort autour de moi et me protège. Comme c'est simple d'être une petite fille heureuse. Et puis soudain, c'est comme si quelqu'un me touchait l'épaule derrière moi. Et pourtant, je sais bien que personne ne m'a touchée. Et la voix dit... Qui fera les voix? Moi, bien sûr. Je me suis retournée. Il y avait une grande et éblouissante lumière du côté de l'ombre, derrière moi. La voix était douce et grave. Et je ne la connaissais pas. Elle dit seulement ce jour-là... Jeanne, sois bonne et sage enfant, va souvent à l'église. J'étais bonne et sage, et j'allais souvent à l'église. Je n'ai pas compris. J'ai eu très peur, et je me suis sauvée en courant. C'est tout, la première fois. Je n'ai rien dit en rentrant chez moi. Je suis revenue un peu après avec mon frère chercher le troupeau que j'avais laissé. Le soleil s'était couché et il n'y avait plus de lumière. Alors il y eut une seconde fois. C'était l'Angélus de midi. Une lumière encore, mais en plein soleil, et plus forte que le soleil. Je l'ai vue cette fois. Qui ? Un prud'homme, avec une belle robe bien repassée, et deux grandes ailes toutes blanches. Il ne m'a pas dit son nom ce jour-là, mais plus tard, j'ai appris que c'était Monseigneur Saint-Michel. Monsieur évêque, est-il absolument nécessaire de lui laisser raconter encore une fois ces niaiseries ? Absolument nécessaire, Monseigneur. Jeanne, va au secours du roi de France, et tu lui rendras son royaume. Mais, messire, je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne saurais chevaucher ni conduire des hommes d'armes. Tu iras trouver monsieur de Baudricourt, capitaine de vos couleurs. Il te donnera des habits d'homme et il te fera mener au dauphin. Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront t'assister. Pitié ! Pitié, messire ! Je suis une petite fille, je suis heureuse. Je n'ai rien dont je sois responsable que mes moutons. Le royaume de France, c'est trop pour moi. Il faut considérer que je suis petite et ignorante, et pas forte du tout. C'est trop lourd, messire, la France. Il y a des grands capitaines autour du roi qui sont forts et qui ont l'habitude. Et puis eux, ça ne les empêche pas de dormir quand ils perdent une bataille. Ils disent qu'il y a eu une préparation d'artillerie insuffisante, qu'ils n'ont pas été secondés, qu'ils ont eu la neige ou le vent contre eux. Et tous les hommes morts, ils les raient, tout simplement, sur leur liste. Moi, je vais y penser tout le temps si je fais tuer des hommes. Pitié, messire. Ah oui, pas de pitié. Il était déjà parti, moi j'avais la France sur le dos. Sans compter le travail à la ferme, et mon père qui ne badinait pas. Le père, la mère et le frère de Jeanne se sont avancés. Qu'est-ce qu'elle fout ? Mais elle est au champ. Ben, moi aussi, j'étais au champ. Je suis rentré. Il est 6 heures, mais qu'est-ce qu'elle fout ? La Jeanne ? Elle rêve, auprès de l'arbre aux fées. Je l'ai vue en rentrant le taureau. Mais qu'est-ce qu'elle fait, près de l'arbre aux fées ? Oh, allez le savoir avec elle. Elle regarde droit devant elle. Elle rêve. Comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pas la première fois que je la vois. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit, petit malheureux ? Tu y crois encore aux filles qui rêvent à ton âge, grande année ? Elle attend quelqu'un, oui, pas quelque chose. Mais je vous dis qu'elle a un amoureux, la Jeanne. Allez, donne-moi ma trique, vite, je vais la chercher, moi. Et si elle a un rendez-vous, je les assomme tous les deux. Oui, j'avais un rendez-vous. Mais mon amoureux avait 2 grandes ailes blanches, une belle robe, bien repassée, et de sa voix grave, il répétait « Jeanne, Jeanne, qu'attends-tu ? Il y a grand pitié au royaume de France. » J'ai peur, messire. Je ne suis qu'une pauvre fille. Vous vous êtes sûrement trompée. Est-ce que Dieu se trompe, Jeanne ? Je ne pouvais tout de même pas lui répondre oui. Il fallait faire ton signe de croix. Je l'ai fait, et l'archange avec moi, en me regardant bien dans les yeux pendant que la cloche sonnait. Il fallait lui crier « Vade retro Satanas ». Je ne sais pas le latin, messire. Mais ne fais pas l'idiote. Le diable comprend le français, il fallait lui crier « Va-t'en, sale diable puant, ne me tente pas davantage !» Mais c'était Saint-Michel, messire. Mais qu'il t'a dit, petite dinde ? Et tu l'as cru ? Bien sûr. D'abord, ça ne pouvait pas être le diable. Il était si beau. Justement ! Le diable est beau. Oh, messire ! Je crains, messire promoteur, que ces subtilités théologiques, qui peuvent être matière à discussion entre clercs, dépassent l'entendement de cette pauvre fille. Vous la scandalisez inutilement. Tu en as menti, chanoine. Je ne suis pas si savante que toi, mais je sais, moi, que le diable est laid. Et que tout ce qui est beau est l'œuvre de Dieu. Oh, ce serait trop facile. Et trop bête. Crois-tu donc que le diable est bête ? Il est 1000 fois plus intelligent que toi et moi réunis. Quand il veut tenter une âme, il prend les traits d'une belle fille, toute nue, les seins dressés, insupportablement belle. Chanoine, vous vous égarez. Vous voilà bien loin du diable de Jeanne. Si elle en a vu un, je vous en prie, ne mélangeons pas les diables de chacun. Je m'excuse, monseigneur, mais il n'y a qu'un diable. D'ailleurs, nous n'en sommes pas au procès. Nous l'interrogerons tout à l'heure. Continue, Jeanne. Alors, si le diable est beau, comment peut-on savoir que c'est le diable? En le demandant à ton curé. On ne peut pas le savoir tout seul? Non. C'est pourquoi il n'y a pas de salut hors de l'église. On n'a pas toujours son curé avec soi, sauf les riches. C'est difficile pour les pauvres. C'est difficile pour tout le monde de ne pas être damné. Laissez-la, messire promoteur, laissez-la parler avec ses voix, tranquillement. C'est le commencement de l'histoire. Personne ne peut les lui reprocher encore. Et puis une autre fois, c'est Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui sont venues. Et elles étaient belles, elles aussi. Étaient-elles toutes nues? Oh, messire, croyez-vous que notre Seigneur n'ait pas les moyens de payer des robes à ses saintes? Vous nous faites sourire, vous voyez, messieurs promoteurs, avec vos questions. Abstenez-vous dorénavant d'intervenir tant que nous n'aborderons pas le fond du débat. Et surtout, n'oubliez pas que dans cette histoire, même en la jugeant, surtout en la jugeant, nous avons la charge de cette âme qui est dans ce petit corps frêle et insolent. Quelle confusion risquez-vous de jeter dans cette jeune cervelle en lui insinuant que le bien et le mal, ce n'est qu'une question de vêtements? Nos saints sont généralement vêtus, dans leur représentation habituelle, je vous l'accorde, mais... Notre Seigneur est bien nu sur la croix. Tu as dit ce que j'allais dire, Jeanne, en me coupant la parole, d'ailleurs. Mais ce n'est pas à toi à reprendre le vénérable chanoine. Tu oublies qui tu es et qui nous sommes. Tes pasteurs, tes maîtres et tes juges. Garde-toi de ton orgueil, Jeanne. Si le démon un jour peut t'atteindre, c'est de lui qu'il se servira. Je sais que je suis orgueilleuse. Mais je suis une fille de Dieu. S'il ne voulait pas que je fusse orgueilleuse, pourquoi m'a-t-il envoyé son archange flamboyant et ses saintes vêtues de lumière? Pourquoi m'a-t-il permis de convaincre tous ces hommes que j'ai convaincus et d'aussi savants, d'aussi sages que vous? D'avoir une belle armure blanche, don de mon roi, une fière épée, et de conduire tous ces vaillants garçons au milieu de la mitraille, toute droite sur mon cheval. Il n'avait qu'à me laisser à garder mes moutons et à filer près de ma mère. Je ne serais jamais devenue orgueilleuse. Jeanne, pèse tes paroles, pèse tes pensées. Tu accuses ton Seigneur maintenant? Qu'il m'en garde. Je dis que sa volonté soit faite. Même s'il a voulu me rendre orgueilleuse et me damner, c'est aussi son droit. Épouvantable! Ce qu'elle dit est épouvantable. Dieu peut-il vouloir damner une âme? Et vous l'écoutez sans frémir, messire? Je vois là le germe d'une affreuse hérésie qui déchirera un jour l'église. Écoute bien ce que je vais te demander, Jeanne. Te crois-tu en état de grâce en ce moment? À quel moment, messire? On ne sait plus où on en est, on mélange tout. Au commencement, quand j'entends mes voix, ou à la fin du procès, quand j'ai compris que mon roi et mes compagnons aussi m'abandonnaient, quand j'ai douté, quand j'ai abjuré, que je me suis reprise. N'élude pas ma question. Te crois-tu en état de grâce? Messire inquisiteur, c'est une question redoutable pour une simple fille qui croit sincèrement que Dieu l'a distinguée. Je demande que sa réponse ne soit pas portée contre elle. Elle risque inconsidérément... Silence, frère advenu. Je demande ce que je juge bon de demander. Qu'elle réponde à ma question. Te crois-tu en état de grâce, Jeanne? Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Bien répondu, Jeanne. Oui, après, le diable est habile ou il ne serait pas le diable. Et vous pensez qu'on lui a déjà posé la question? Je le connais, il a ses réponses toutes prêtes. Messieurs évêques, tout cela est sans doute très intéressant, quoique je m'y perde un peu moi aussi, comme cette jeune fille. Mais si nous allons de ce train, nous n'arriverons jamais au procès. Nous ne la brûlerons jamais. Qu'elle la joue, sa petite histoire, puisqu'il paraît que c'est nécessaire, mais vite, et qu'on en arrive à l'essentiel. Le gouvernement de Sa Majesté a le plus urgent besoin de déconsidérer ce petit pouilleux de roi Charles, de proclamer à la face du monde chrétien que son sacre ne fut qu'une mascarade conduite par une sorcière, une hérétique, une aventurière, une fille à soldat. Monseigneur, Nous ne la jugeons que comme hérétique. Oui, je sais, mais moi je suis obligé d'en remettre pour mes troupes. Je crains que les attendus de votre jugement soient un peu trop distingués pour mes soldats. La propagande est une chose sommaire, seigneur évêque, apprenez-le. L'essentiel est de dire quelque chose de très gros et de le répéter souvent. C'est comme ça qu'on fait une vérité. Moi, je vous dis là une idée neuve, mais je suis persuadé qu'elle fera son chemin. Pour moi, il est urgent de faire une rien du tout de cette fille, qui qu'elle soit. Mais ce qu'elle est en réalité n'a aucune espèce d'importance aux yeux du gouvernement de Sa Majesté. Alors, dépêchez-vous de lui faire raconter sa petite affaire et brûlez-la qu'on n'en parle plus. Je plaisantais tout à l'heure, dans 10 ans, tout le monde aura oublié cette histoire. Dieu le veuille, monseigneur. Où en était-on? On en était au moment où je la retrouve, rêvassant à Dieu sait qui sous son arbre fait. La petite garce. Et ça l'a bardé, je vous le jure. Qu'est-ce que tu fais là? Dis, tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu fais là que la soupe est servie et que ta mère s'inquiète? Je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai perdu la notion de l'heure. Quand je suis arrivé là, tu parlais, tu criais au revoir à quelqu'un que j'ai raté cette fois. Je ne sais pas où il s'est sauvé, le bougre, mais il ne paie rien pour attendre, ce voyou-là. Avec qui parlais-tu? Allez, réponds! Réponds, je te bats comme plâtre! Avec Saint-Michel. Tiens! Ah, ça t'apprendra, ça. Ça t'apprendra à te moquer de ton père. Ah, tu as rendez-vous avec Saint-Michel, petite coureuse. Ah, tu restes le soir à lui parler sous les arbres, pendant que toute ta famille s'inquiète et t'attend, mauvaise fille. Ah, tu veux commencer déjà le sabbat, comme les autres, au lieu d'aider ton père et ta mère, et de te marier avec le garçon sérieux qu'ils t'auront choisi. Eh bien, ton prétendu Saint-Michel, je lui mettrai ma fourche dans le ventre, moi, et je te noierai de mes propres mains, comme une sale chatte en chaleur que tu es. Je n'ai rien fait de mal, mon père. Je vous jure par notre Seigneur que je dis vrai. Voilà déjà longtemps qu'ils viennent me voir et me demandent. C'est toujours à l'Angélus de midi ou à l'Angélus du soir. C'est toujours quand je suis en prière. Quand je suis la plus pure et la plus près de Dieu. Et ça ne peut pas ne pas être vrai, Saint-Michel m'apparaît. Et Sainte Marguerite et Sainte Catherine, ils me parlent, ils me répondent quand je les questionne. Ils disent tous les trois pareil. Tu entends des voix maintenant? Ah ben, c'est un comble. Ma fille entend des voix. Non, j'aurais travaillé pendant 40 ans. Je me serais tué à l'élever chrétiennement tous mes enfants pour avoir une fille qui entend des voix. Il va falloir maintenant que je leur dise oui. Elles disent que ça ne peut plus attendre. Et qu'est-ce qui ne peut plus attendre, imbécile? Qu'est-ce qu'elles te disent de faire, tes voix? Ces voix, enfin. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Elles me disent d'aller sauver le royaume de France qui est en grand danger de périr. Est-ce vrai? Mais pardine, bien sûr. Bien sûr qu'il est en grand danger de périr, le royaume de France. Et c'est pas la première fois, et sans doute pas la dernière, qu'il est en danger de périr, le royaume de France. Et il s'en tire toujours. Laisse le don dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu peux y faire, pauvre fille? Même un homme, si c'est pas son métier de se battre, il n'y peut rien. Moi, je peux. Oui, oh, toi, tu peux, toi. Toi, t'es plus maligne que ton grand capitaine, peut-être, qui ne peut plus que se faire piler à tous les coups de nos jours. Et puis, tu n'es peut-être pas une coureuse, mais tu es pire. Tu es une folle. Qu'est-ce que tu peux donc, pauvre idiote? Ce que me disent mes voix. Demander une escorte d'armes au sire de Baudricourt, et quand j'aurai mon escorte, aller jusqu'au dauphin Chinon. Lui dire qu'il est le vrai roi, et l'emmener à la tête de ses soldats délivrés à Orléans. La mère s'est avancée et s'est penchée sur Jeanne. Il faut que quelqu'un comprenne, mère. Toute seule, je ne pourrai pas. Allons. Ne t'agite pas. Reste un peu contre moi, comme lorsque tu étais petite. Qu'elle est grande. Je ne peux même plus la tenir dans mes bras. Tu es quand même ma petite, tu sais. Pareille à moi, qui m'a suivie si longtemps pendue à mon jupon dans la cuisine. Et je te donnais toujours une carotte à gratter ou un petit plat à essuyer, pour que tu fasses tout comme moi. Tes frères, c'était pas la même chose, c'était des hommes comme ton père. Il ne faut pas essayer de leur faire comprendre aux hommes. Il faut dire oui, et puis comme ils sont toujours au champ, après, quand ils sont partis, on est maîtresse. J'ai une petite gratte que je fais sur le ménage, un sou par-ci, un sou par-là. Si tu veux, à la prochaine foire, je t'achèterai un beau mouchoir brodé. Tu seras belle. Ce n'est pas être belle que je veux, maman. Mais moi aussi, j'ai été folle, moi aussi. J'ai aimé un garçon avant ton père. Il était beau, mais ce n'était pas possible. Il est parti comme soldat, et tu vois, j'ai été heureuse tout de même. Qui sait donc ? N'aie pas de secret pour ta mère. C'en est un dont tu ne peux même pas dire le nom. Il est du village tout de même. Peut-être que ton père accepterait, il n'est pas contre un bon mariage. On pourrait lui faire croire que c'est lui qui l'a choisi, petite sotte. Tu sais, les hommes, ils crient, ils commandent, ils cognent. Mais on les mène par le nez. Je ne veux pas me marier, mère. Monseigneur Saint-Michel me dit que je dois partir. Prendre un habit d'homme et aller trouver notre sire le Dauphin pour sauver le royaume de France. Jeanne, je te parle doucement. Mais à moi, je te défends de dire des bêtises. D'abord, je ne te laisserai jamais t'habiller en homme. Ma fille en homme. Je voudrais voir ça, par exemple. Mais mère, il faudra bien pour aller à cheval au milieu des soldats. C'est Monseigneur Saint-Michel qui le commande. Que Monseigneur Saint-Michel te le commande ou non, tu ne monteras jamais à cheval. Jeanne d'Arc à cheval. Eh bien, ça serait du joli dans le village. La demoiselle de Vaucouleurs monte bien pour chasser aux faucons. Tu ne monteras jamais à cheval. Ce n'est pas de ta condition. En voilà des idées de grandeur. Mais si je ne monte pas à cheval, comment veux-tu que je mène les soldats? Et tu n'iras jamais voir les soldats, mauvaise fille. Mais enfin, tu veux donc voir mort? Non, maman. Vous voyez, Monseigneur Saint-Michel, ce n'est pas possible. Ils ne comprendront jamais. Personne ne comprendra jamais. Il vaut mieux que je renonce tout de suite. Notre Seigneur a dit qu'il fallait obéir à son père et à sa mère. Avant, Jeanne, il faut obéir à Dieu. Mais si Dieu commande l'impossible, alors il faut tenter l'impossible, tout tranquillement. Commence, Jeanne. Dieu ne te demande pas autre chose. Après, il pourvoira à tout. Et si tu crois qu'il t'abandonne, s'il laisse un obstacle insurmontable sur ton chemin, c'est pour t'aider encore. C'est parce qu'il te fait confiance. Chaque fois qu'il laisse une montagne sur ta route, il faut être très fier, Jeanne. C'est que Dieu se décharge sur toi. Messire, croyez-vous que notre Seigneur puisse vouloir qu'on fasse pleurer son père et sa mère ? Qu'on les tue, peut-être, de peine en partant? C'est difficile à comprendre. Il a dit « Je suis venu apporter non la paix, mais le glaive. Je suis venu pour que le frère se dresse contre son frère et le fils contre son père. Dieu est venu apporter la guerre, Jeanne. Dieu n'est pas venu pour arranger les choses. » Il est venu pour que tout soit plus difficile encore. Il ne demande pas l'impossible à tout le monde, mais à toi, il te le demande. Il ne pense pas que quelque chose soit trop difficile pour toi. Voilà tout. Bien. J'irai. Orgueilleuse ! Qui a dit orgueilleuse ? C'est toi, Jeanne. Et dès que tu auras commencé ce que Dieu te demande, c'est le monde qui te le dira. Il va falloir que tu sois assez humble dans la main de Dieu pour accepter ce manteau d'orgueil. Ce sera lourd, messire. Oui, ce sera lourd. Dieu sait que tu es forte. Bon, c'est décidé, c'est vu. J'irai trouver mon oncle Durand. Celui-là, j'en fais ce que je veux. Je l'embrasserai sur les deux joues, il me paiera un beau fichu tout neuf, il me conduira à Vaucouleurs. Idiote! Pauvre idiote! T'avais besoin d'aller raconter tout ça aux parents? Si tu me donnes un sou pour m'acheter une chic la prochaine fois, je ne dirai pas que je t'ai vu avec ton amoureux. Ah, c'est toi qui le leur as dit, Vermine. Ah, c'est toi qui le leur as dit, petit cochon. Tiens, tiens. le voilà, vous. Jeanne et son frère se battent comme des chiffonniers. Elle court après lui et fonce la tête la première dans le ventre de Baudricourt. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Qu'est-ce que tu veux, juste puceron? Depuis 3 jours que tu fais l'idiote à la porte du château à amuser mes sentinelles avec des comptes à dormir debout. Je voudrais un cheval, messire. Un habit d'homme et une escorte pour aller jusqu'à Chinon voir Monseigneur le Dauphin. Et mon pied quelque part, tu ne veux pas aussi? Je veux bien, messire. Et aussi de bonnes gifles. J'ai l'habitude avec mon père. Pourvu qu'après, j'ai mon cheval. Mais tu sais qui je suis et ce que je veux? Les filles de ton village t'ont mise au courant? Quand il y en a une qui vient me demander quelque chose, généralement la vie du petit frère ou de leur vieille crapule de père qu'on apprend en train de braconner un lièvre sur mes terres. Si la fille est jolie, je fais toujours décrocher la corde. J'ai bon cœur. Si elle est laide, je prends mon gaillard, pour l'exemple. Eh, mais ce sont toujours les jolies qui viennent. On se débrouille pour en trouver une dans la famille. Et c'est pour ça que j'ai fini par me faire une réputation de bonté dans le pays. Alors, donnant. Tu connais le tarif? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, messire. Moi, c'est Monseigneur Saint-Michel qui m'envoie... Non, ne mêle pas les saints du paradis à ces histoires-là effrontées! Le coup de Saint-Michel, c'est bon pour les sentinelles, pour arriver jusqu'à moi. Ben, tu y es devant moi. Et je ne dis pas que tu l'auras pas, ton cheval. Une vieille rosse pour une belle fille toute neuve, c'est raisonnable comme marché. Tu es pucelle? Oui, messire. Va pour le cheval. Tu as de jolis yeux. C'est que je ne veux pas seulement un cheval, messire. Ah, tu es gourmande, toi. Allez, continue, tu m'amuses. Ouais, il n'y a que les imbéciles qui se croient volés en donnant trop à une fille. Moi, j'aime bien qu'il me coûte cher, mon plaisir. Ça me permet de me figurer que j'en ai vraiment envie. Tu comprends ce que je veux dire? Non, messire. Ah ben, tant mieux. J'aime pas les raisonneuses au lit. Qu'est-ce que tu veux en plus du cheval? La taille rentre bien cet automne. Je me sens d'humeur à la dépense. Une escorte d'hommes d'armes, messire, pour m'accompagner à Chinon. Ben, écoute-moi bien, hein. Je suis bonhomme, mais j'aime pas qu'on se moque de moi. Mais je suis le maître ici. Tu es tout au bord de ma patience. Je peux aussi bien te faire fouetter pour avoir forcé ma porte et te renvoyer chez toi sans rien du tout que des marques sur les fesses. Je t'ai dit que j'aimais bien que ça me coûte cher pour que ça me donne envie. Et si ça doit me coûter trop cher, c'est le phénomène contraire qui se produit. J'ai soudain plus envie du tout. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Chinon? Trouver Monseigneur le Dauphin. Ah, oh, bah t'as de l'ambition, toi, au moins. Pour une pucelle de village. Pourquoi pas le duc de Bourgogne, tant que tu y es? T'auras moins une chance de ce côté-là. Théoriquement, c'est un chaud lapin, le duc. Parce que tu sais, le dauphin, pour ce qui est de la guerre et des femmes... Mais qu'est-ce que tu espères donc de lui? Une armée, messire, dont je prendrai la tête pour aller délivrer Orléans. Oui, bah, si tu es folle, c'est autre chose. Je veux pas me fourrer dans une vilaine histoire. Hé, hey, Boudouce! Messire! Bon, alors fais-la doucher un peu et fourre-la en prison. Demain soir, tu la renverras chez son père, mais... Hé, pas de coup! Je veux pas avoir d'ennui, tu me folle. Je veux bien aller en prison, messire, mais je reviendrai demain soir quand on me relâchera. Alors vous feriez mieux de m'écouter tout de suite. Mais enfin, 1 000 millions de tonnerres, je te fais donc pas peur! Non, messire, pas du tout. Fous le camp, Boudouce. T'as pas besoin d'écouter tout ça, quoi. Mais pourquoi est-ce que je te fais pas peur? Je fais peur à tout le monde, pourtant. Parce que vous êtes très bon, messire. Ça dépend. Je t'ai dit le prix. Et surtout, très intelligent. Je vais avoir à convaincre beaucoup de monde pour faire tout ce que mes voix m'ont demandé. C'est une chance que le premier par qui je dois passer, et de qui tout dépend en somme, soit justement le plus intelligent. Tu es une drôle de fille, c'est vrai. Pourquoi crois-tu que je suis très intelligent? Parce que vous êtes très beau. Il y a 20 ans, je ne dis pas, je plaisais aux femmes. J'ai tâché de ne pas trop vieillir, voilà tout. Ah, mais c'est tout de même drôle d'avoir une conversation de cette portée, avec une petite bergère de rien du tout qui vous tombe un beau matin du ciel. Oui, alors, Au fond, je m'encroute ici. Mes lieutenants sont des brutes. Personne à qui parler. Enfin, je serais curieux, puisque nous en sommes là, d'apprendre de ta bouche quel rapport tu établis entre l'intelligence et la beauté. Hein? D'habitude, on dit que c'est le contraire, que les gens beaux sont toujours bêtes. Ce sont les bossus qui disent ça, ou les gens qui ont le nez trop long. Croit-il donc que notre Seigneur n'a pas les moyens de réussir quelque chose de parfait, si cela lui plaît? Ah, évidemment, pris sous cet angle. Mais tu vois, moi, par exemple, qui ne suis pas laid, eh ben, je me demande parfois si je suis très intelligent. Non, proteste pas. Il m'arrive de me poser la question. Je te confie ça à toi parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Mais pour mes lieutenants, bien entendu, je suis beaucoup plus intelligent qu'eux. Forcément, je suis capitaine. Et si ce principe n'était pas admis, il n'y aurait plus d'armée possible. Cependant, il y a quelquefois des problèmes qui me dépassent. Tu sais, vos couleurs, c'est tout petit. J'aimerais un jour prendre une décision importante. Une de ces décisions à l'échelle du pays. Pas une histoire de taille qui ne rende pas une demi-douzaine de déserteurs à faire pendre. Non, quelque chose d'un peu exceptionnel, quelque chose qui me fasse remarquer en haut lieu. Je me demande pourquoi je te dis tout ça, toi qui n'y peux rien, et qui est peut-être à moitié folle par-dessus le marché. Moi, je sais pourquoi. On m'avait averti. Écoute, Robert. Pourquoi m'appelles-tu par mon petit nom? Parce que c'est le tien. Parce que c'est celui que notre Seigneur t'a donné. L'autre, il est aussi à ton frère et à ton père. Écoute, gentil Robert, et ne hurle pas encore, c'est inutile. C'est justement moi, ta décision à prendre. La décision qui te fera remarquer. Qu'est-ce que tu me chantes? Écoute, Robert, d'abord, ne pense pas que je suis une fille. Ça t'embrouille les idées. Bien sûr, notre Seigneur ne m'a pas fait laide. Mais je ne te plais pas tellement. Tu es comme tous les hommes. C'est l'occasion que tu ne voulais pas laisser passer. Ce point éclairci, figure-toi que tu me l'as déjà donné, mon habit d'homme, et que nous discutons tous les deux comme deux braves garçons, avec bon sens et avec calme. Ouais, va toujours. Mon gros Robert, ta décision, tu la tiens. Ton coup d'éclat qui va te faire remarquer en haut lieu, c'est pour tout de suite. Considère où ils en sont à Bourges. Ils ne savent plus à quel sens vouer. L'anglais est partout. Bretagne et Anjou attendent pour voir qui paiera le plus. Le duc de Bourgogne, qui joue au preux chevalier avec sa belle toison d'or toute neuve, leur tire tout de même dans les pattes et gratte doucement tous les paragraphes gênants sur les traités. On croyait qu'on pouvait au moins compter sur sa neutralité. Elle nous avait coûté assez cher. Aux dernières nouvelles, il parle de marier son fils à une princesse anglaise. Tu te rends compte? L'armée française, tu sais ce que c'est. Bon garçon, capable de donner de bonnes buffes et de bons torchons, mais découragé. Ils se sont mis dans la tête qu'il n'y avait plus rien à faire. Que l'anglais serait toujours le plus fort. Dunois, le bâtard, c'est un bon capitaine, intelligent, ce qui est rare dans l'armée. Mais on ne l'écoute plus. Et tout ça commence à l'ennuyer. Lahire, Xaintrailles, de bons taureaux furieux, ils veulent toujours attaquer. Donner de formidables coups d'épée dont on parlera dans les chroniques. Mais ils ne savent pas se servir de leurs canons. Ils se font toujours tuer, pour rien, comme un zincourt. Ah, pour se faire tuer, ils sont un peu là. Tous volontaires. Mais ça sert à rien du tout de se faire tuer. Tu comprends, mon petit Robert? La guerre, c'est pas une partie de balle au pied. C'est pas un tournoi. Il suffit pas de bien jouer, de toutes ses forces en respectant les lois de l'honneur. Il faut gagner. Il faut être malin. Il faut que ça travaille là-dedans. Toi qui es intelligent, tu le sais mieux que moi. Je l'ai toujours dit. On ne pense plus assez de nos jours. Vois mes lieutenants, des brutes, toujours prêts à cogner, c'est tout. Mais ceux qui pensent, personne ne songe à les utiliser. Personne. C'est pourquoi il faut qu'ils y pensent eux-mêmes. Entre autres pensées. Or, justement, toi qui penses, un bon jour tu as une idée. Une idée géniale et qui peut sauver tout. J'ai une idée. Laisse venir, t'es en train de la voir. Dans ta tête, où ça va vite et où ça se met en ordre tout de suite, Tu fais le point en ce moment. Tu n'en as pas l'air, c'est ce qui est admirable en toi. Mais tu fais le point. Tu es en train d'y voir clair. C'est malheureux à dire. Mais en France en ce moment, il n'y a que toi qui vois clair. Tu crois? Je te le dis. Et qu'est-ce que je vois? Tu vois qu'il faut leur donner une âme à ces gens-là. Une foi. Quelque chose de simple. Il y a justement dans ta capitainerie une petite à qui Saint-Michel est apparu. Et aussi Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, à ce qu'elle dit. Je t'arrête, je sais ce que tu vas me dire, tu n'y crois pas. Mais tu passes là-dessus, provisoirement. C'est là que tu es vraiment extraordinaire. Tu te dis, c'est une petite bergère de rien du tout. Bon. Mais supposons qu'elle est due avec elle. Rien ne peut plus l'arrêter. Et qu'elle est due avec elle ou non, c'est pile ou face. On ne peut pas le prouver, mais on ne peut pas non plus prouver le contraire. Or, elle est parvenue jusqu'à moi, malgré moi. Il y a déjà une demi-heure que je l'écoute. Ça, tu ne le discutes pas, c'est un fait. Tu constates. Alors, tout d'un coup, il y a ton idée. Ton idée qui commence à te venir. Tu te dis, puisqu'elle m'a convaincu moi, pourquoi ne convaincrait-elle pas le dauphin et Dunois et l'archevêque? Ce sont des hommes comme moi, après tout. Entre nous, plutôt moins intelligent que moi. Pourquoi ne convaincrait-elle pas nos soldats que tout bien pesé? Les Anglais, ils sont exactement faits comme eux. Moitié courage et moitié envie de sauver sa peau. Et qu'il suffirait de leur taper fort dessus au bon moment pour les faire des canidiers d'Orléans. De quoi ont-ils besoin, nos gars, après tout? Que tu te dis en ce moment même, avec ta tête qui voit plus clair que celle des autres, d'un étendard, de quelqu'un qui galvanise leurs énergies, qui leur prouve que Dieu est avec eux. Alors c'est là que tu es admirable, tout d'un coup. Tu crois? Admirable, c'est moi qui te le dis, Robert. Mais je ne serai pas la seule. Tu verras dans quelque temps. Tout le monde sera de cet avis. Et réaliste, comme tous les grands politiques. Tu te dis, moi, Baudricourt, je ne suis pas tellement sûre qu'elle soit l'envoyée de Dieu. Mais je fais semblant de le croire. Je la leur envoie, moi, envoyée de Dieu ou pas. Et si eux, ils le croient, ça reviendra au même. J'ai justement mon courrier pour Bourges qui doit partir demain matin. Mais qui t'a dit ça? C'est un secret. Je me suis renseigné. Je prends 6 solides garçons pour l'escorte, je lui donne un cheval et j'expédie la petite avec le courrier. À Chinon, telle que je la connais, elle se débrouillera. Eh ben, tu sais, Robert. Quoi? T'es rudement intelligent pour avoir pensé tout ça. Ah oui. Seulement, le cheval donne-moi un bien doux parce que je ne sais pas encore monter. Oui. Mais tu vas te casser la gueule, ma fille. Penses-tu? Saint-Michel me retiendra. Tiens, je te fais un pari, Robert. Je te parie un habit. Tiens, l'habit d'homme que tu m'as pas encore promis. Contre une bonne buffe sur le nez. Tu fais venir 2 chevaux dans la cour. On va faire un temps de galop. Et si je tombe, tu ne me crois pas. C'est régulier, ça. Top là. Cochon qui s'en dédie. Top là! J'ai besoin de me remuer un peu. On ne croirait pas m'être pensé sa fatigue. Baudouce! Messire! Je la fourre en prison! Mais non, imbécile! Tu lui fais donner une culotte et tu nous amènes 2 chevaux. Nous allons faire un petit temps de galop tous les deux. Mais et le conseil? Il est 4 heures! Demain! Aujourd'hui, j'ai assez pensé. Évidemment, cette fille avait quelque chose. J'ai beaucoup apprécié cette façon de retourner cet imbécile en lui faisant croire que c'était lui qui pensait. Pour mon goût, je trouve la scène un peu grosse. Il faudra tout de même qu'elle trouve mieux avec Charles. Seigneur évêque, dans votre métier et dans le mien, nos ficelles valent les siennes. Qu'est-ce que gouverner le monde avec la trique ou la houlette de pasteur, sinon de faire croire à des imbéciles qu'ils pensent d'eux-mêmes ce que nous leur faisons penser? Pas besoin de l'intervention de Dieu là-dedans. C'est en cela que cette scène m'amuse. Ah, à moins qu'on y soit professionnellement tenu comme vous, bien entendu. Vous avez la foi, vous, seigneur évêque? Excusez ma brutalité, mais nous sommes entre nous. Une foi de petit enfant, monseigneur. Et c'est pourquoi je vous donnerai du fil à retordre au cours de ce procès. C'est pourquoi mes assesseurs et moi-même, nous nous efforcerons jusqu'au bout de sauver Jeanne. Quoique nous ayons été des collaborateurs sincères du régime anglais, qui nous paraissait alors la seule solution raisonnable dans le chaos. Notre honneur, notre pauvre honneur, aura été de faire pourtant l'impossible contre vous en vivant de votre argent et avec vos 800 soldats à la porte du prétoire. Ils avaient beau jeu, à Bourges, protégés par l'armée française, de nous traiter de vendus. Nous, nous étions dans Rouen, occupés. Je n'aime pas le mot occupé. Vous oubliez le traité de Troyes. Vous étiez sur les terres de Sa Majesté, tout simplement. Entouré de soldats de Sa Majesté. Des exécutions d'otages de Sa Majesté. Soumis au couvre-feu et au bon plaisir du ravitaillement de Sa Majesté. Nous étions des hommes. Nous avions la faiblesse de vouloir vivre et de tenter de sauver Jeanne en même temps. C'était, de toute façon, un piètre rôle. Il ne tenait qu'à vous de le rendre plus brillant et d'être des martyrs, mon cher. Mes 800 soldats étaient prêts. Nous l'avons toujours su. Et ils avaient beau nous crier des insultes et taper de grands coups de crosse dans notre porte pour nous rappeler qu'ils étaient là, nous avons ergoté 9 mois avant de vous livrer Jeanne. 9 mois, c'est vrai. Quel accouchement, ce procès. Elle en met du temps, notre sainte mère, l'Église, quand on lui demande d'enfanter un petit acte politique. Enfin, le cauchemar est passé, la mère et l'enfant se portent bien. Mais écoutons plutôt Chinon, monseigneur. J'ai le plus profond mépris pour ce petit lâche de Charles. Mais c'est un personnage qui m'a toujours amusé. Charles s'avance, entouré des deux reines et d'Agnès Sorel. Mais Charles, c'est inadmissible. Tu ne peux pas me laisser paraître à ce bal fagoté comme ça. Ta maîtresse avec un hénin de la saison dernière. Tu penses bien que ce serait scandaleux. Et ta reine, Charles, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que le roi de France n'a pas un sou, ce qui est exact. Alors, je les entends d'ici, à la cour d'Angleterre. La Belford, la Gloucester, sans compter la maîtresse du cardinal de Winchester. En voilà une qui est bien habillée. Tu imagines, Charles, qu'elles ont nos hénins avant nous. On ne s'habille bien qu'à Bourges, c'est connu. Il faut voir comment elle serait fagotée là-bas, s'il n'envoyait pas des émissaires acheter nos derniers modèles pour les copier. Enfin, tu es roi de France tout de même. Comment peux-tu tolérer cela? D'abord, je ne suis pas roi de France. C'est un bruit que je fais courir. Il y a une nuance. Ensuite, nos articles de mode, c'est tout ce que j'arrive à leur vendre aux Anglais. La mode de Bourges et notre cuisine. C'est avec cela que nous avons encore quelques prestiges à l'étranger. Ce prestige, le seul bien qui nous reste, ces petites n'ont pas tout à fait tort, Charles. Il faut le défendre. Il est indispensable qu'à cette fête, on soit obligé de convenir que les dames de la cour de France étaient les mieux vêtues du monde. Souvenez-vous que personne n'a jamais pu dire où commençait exactement la futilité. Un nouveau hénin qu'elles n'ont pas là-bas? Agnès n'a pas entièrement tort, cela peut équivaloir à une victoire. Une victoire qui ne les empêchera pas de nous escamoter Orléans, belle maman. Et le cardinal, et le Bedford, et le Gloucester par contre-coup, je t'assure qu'ils n'auront plus une minute à eux pour penser à Orléans. Si tu as envie d'une victoire, Charles, en voilà une à ta portée, et pour rien. Pour rien, pour rien. Tu me fais rire. À combien m'as-tu dit qu'ils revenaient, ces hénins? 6 000 francs chacun, mon chéri. Mais c'est pour rien, étant donné qu'ils sont entièrement brodés de perles. Et les perles, c'est un placement. Quand le hénin est démodé, tu peux toujours les revendre à un juif et avoir un peu d'argent pour tes troupes. Oh, 6 000 francs, mais où veux-tu que je prenne 6 000 francs, pauvre idiote? 12 000 francs, Charles, parce que nous sommes deux, ne l'oubliez pas. Vous ne voudriez tout de même pas que votre femme soit moins bien vêtue que votre maîtresse. 12 000 francs. Vous rêvez, mes chattes. De quoi payer la moitié des hommes de Dunois à qui je dois 6 mois de solde. Je ne comprends pas que vous les encouragiez, belle maman. Vous qui êtes une femme de grand jugement. C'est parce que je suis une femme de grand jugement que je les soutiens, Charles. M'avez-vous jamais trouvé contre vous quand il s'est agi de votre bien et de votre grandeur? Ai-je jamais fait preuve d'étroitesse d'esprit? Je suis la mère de votre reine. Et c'est moi qui vous ai présenté Agnès, quand j'ai compris qu'elle pourrait vous faire du bien. Je vous en prie, mère, ne vous en vantez pas. Agnès est une fille charmante, ma fille, qui se tient parfaitement à sa place. Et nous avions toutes les deux le plus urgent besoin que Charles se décide à devenir un homme. Et le royaume en avait encore plus besoin que nous. Un peu de hauteur, ma fille. Pensez comme une petite bourgeoise en ce moment. Pour que Charles devint un homme, il lui fallait une femme. J'étais une femme, enfin il me semble, et la sienne par-dessus le marché. Je ne veux pas vous blesser, ma petite chèvre, mais si peu. Regardez comme Charles est plus viril depuis qu'il connaît Agnès. N'est-ce pas, Charles, que vous êtes plus viril ? Hier, j'ai dit non à l'archevêque. Il a essayé de me faire peur, il a envoyé la trémouille gueuler un bon coup, il m'a menacé de me faire excommunier. Le grand jeu, quoi. J'ai tenu bon. Grâce à qui ? Grâce à Agnès. On avait répété toute la scène au lit. Qu'est-ce qu'il voulait, l'archevêque ? Vous ne me l'avez pas redit. Je ne sais plus. Donner Paris au duc de Bourgogne ou quelque chose comme cela pour obtenir une trêve d'un an. Remarquez que c'était pratiquement sans importance. Il y est déjà à Paris, le duc. Mais il faut avoir des principes. Paris, c'est la France. Et la France, c'est à moi. Enfin, je m'efforce de le croire. J'ai dit non. Il en faisait une tête, l'archevêque. Le duc avait dû lui promettre gros. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu avais dit oui malgré moi, petit Charles ? Bon, tu aurais eu la migraine ou mal au ventre pendant 8 jours, sale fille. Je peux à la rigueur me passer de Paris, mais pas de toi. Alors, mon chéri, puisque je t'ai aidé à sauver Paris, tu peux bien me le payer, ce hénin, et aussi un pour ta petite reine, à qui tu viens de dire des choses très désagréables sans t'en rendre compte, comme toujours, vilain garçon. Tu ne veux tout de même pas que je sois malade pendant 8 jours ? Tu t'ennuierais trop. C'est bon, commandez-les, vos hénins. Si ce n'est pas à l'archevêque, c'est à vous qu'il faut dire oui. C'est toujours la même comédie. Mais je vous avertis que je ne sais pas du tout comment je les paierai. Tu signeras un bon sur le trésor, petit Charles, et on verra plus tard. Venez, ma petite majesté, nous allons les essayer ensemble. Préférez-vous le rose ou le vert ? Je crois qu'à votre teint, c'est le rose qui ira le mieux. Comment ? Ils sont déjà là ? Mais tu n'y entends rien, mon chéri. Tu penses bien que pour les avoir pour la fête, il a fallu les commander il y a un mois. Mais on était sûr que tu dirais oui, n'est-ce pas, majesté ? Tu vas voir la tête qu'elles vont faire à Londres. C'est une grande victoire pour la France, tu sais, Charles. Ils me font rire avec leur victoire. La trémouille, Dunois, c'est pareil. Ça va toujours être une grande victoire. Mais tout s'achète de nos jours. Les grandes victoires comme le reste. Et si je n'ai pas assez d'argent, moi, pour m'offrir une grande victoire, si c'est au-dessus de mes moyens, la France. Enfin, on verra bien. Je vais toujours signer un bon sur le trésor. Espérons que le marchand s'en contentera. Le trésor est vide, mais rien ne l'indique sur le papier. Vous n'en voulez pas un, hein, Hénin, vous aussi, belle maman, tant que j'y suis ? Ne vous gênez pas. De toute façon, ma signature ne vaut rien. J'ai renoncé au Hénin, Charles, à mon âge. Je veux autre chose. Faire de moi un grand roi, je sais. C'est fatigant à la longue, tous ces gens qui veulent faire de moi un grand roi. Même Agnès, même au lit. Vous pensez comme c'est drôle ? Oh, vous l'avez bien dressé. Quand comprendrez-vous que je ne suis qu'un pauvre petit Valois de rien du tout et qu'il faudrait un miracle ? Qu'est-ce que c'est que cette époque où il faut être au premier prix de gymnastique pour être quelqu'un ? Où il faut pouvoir brandir une épée de 8 livres, se balader avec une armure de je ne sais combien sur le dos ? Quand on me la met, la mienne, je ne peux plus bouger. J'ai bien avancé. J'aime pas les coups, moi. Ni en donner, ni en recevoir. Et puis j'ai peur, là ! Qu'est-ce que vous voulez me demander encore ? Qui est au-dessus de mes forces ? De recevoir cette pucelle, Charles, qui nous arrive de vos couleurs. Elle se dit envoyée de Dieu. Elle dit qu'elle vient pour délivrer Orléans. Déjà dans le peuple, on ne parle plus que d'elle. On attend avec une immense espérance que vous acceptiez de la recevoir. Alors vous trouvez que je ne suis pas assez ridicule comme ça ? Donner audience à une petite illuminée de village, vraiment, belle maman, pour une femme de bon sens, vous me décevez. Je vous ai déjà donné Agnès, Charles, contre mes intérêts de mère, pour votre bien. Maintenant, je vous dis de prendre cette pucelle. Cette fille a quelque chose d'extraordinaire. Ou tout au moins, tout le monde le croit, c'est l'essentiel. Je n'aime pas les pucelles. Vous ne me comprenez pas, Charles, vous faites semblant de ne pas me comprendre. C'est dans votre conseil que je vous demande de prendre cette petite paysanne. pas dans votre livre. Alors là, malgré tout le respect que je vous dois, vous êtes complètement folle, belle maman. Dans mon conseil, avec l'archevêque et la Trémouille, qui croient sortir de la cuisse de Jupiter une petite paysanne de rien du tout. Mais vous voulez donc qu'il me crève les yeux ? Je crois que vous avez tous besoin d'une paysanne, précisément dans vos conseils. Ce sont les grands qui gouvernent le royaume et ses justices. Dieu l'a remis entre leurs mains. Mais sans vouloir me mêler de juger les décisions de la Providence, je suis étonnée quelquefois qu'elle ne leur ait pas donné, en même temps, comme elle l'a fait généreusement au plus humble de ses créatures, meilleure mesure de simplicité et de bon sens. Et de courage. Et de courage, Charles. En somme, belle maman, à ce que je crois comprendre, vous êtes pour confier le gouvernement au peuple, à ces bons peuples qui ont toutes les vertus. Vous savez ce qu'il fait, ce bon peuple, quand les circonstances le lui offrent, le pouvoir ? Vous avez lu l'histoire des tyrans ? Je ne connais rien de l'histoire, Charles. De mon temps, les filles de roi n'apprenaient qu'à filer, comme les autres. Eh bien, moi, je la connais, cette suite d'horreurs et de cancans. Et je m'amuse quelquefois à en imaginer le déroulement futur pendant que vous me croyez occupé à jouer au bilboquet. On essaiera ce que vous préconisez. On essaiera tout. Des hommes du peuple deviendront les maîtres des royaumes pour quelques siècles. La durée du passage d'un météore dans le ciel. Et ce sera le temps des massacres et des plus monstrueuses erreurs. Et au jour du jugement, quand on fera les additions, on s'apercevra que le plus débauché et le plus capricieux de ces princes aura coûté moins cher au monde, en fin de compte, que l'un de ces hommes vertueux. Donnez-leur un gaillard à poigne, venu d'eux, qui les gouverne et qui veuille les rendre heureux coûte que coûte, mes Français. Et vous verrez qu'ils finiront par le regretter, leur petit Charles, avec son indolence et son bilboquet. Moi, du moins, je n'ai pas d'idée générale sur l'organisation du bonheur. Il ne se doute pas encore combien c'est un détail inappréciable. Vous devriez cesser de jouer avec ce bilboquet, Charles, et de vous asseoir à l'envers sur votre trône. Cela n'est pas royal. Laissez-moi donc. Quand je rate mon coup, au moins c'est sur mon doigt ou sur mon nez que la boule retombe. Cela ne fait de mal à personne qu'à moi. Que je prenne la boule d'une main et le bâton de l'autre, que je commence à me prendre au sérieux, et chaque fois que je ferai une bêtise, c'est sur votre nez à tous que la boule retombera. Archevêque, connétable, vous arrivez bien. Je suis en train de gouverner. Vous voyez, je me suis procuré le globe et la main de justice. Mais c'est un bilboquet. Aucune importance, monseigneur. Tout est symbole. Ce n'est pas à un prince de l'Église que je vais l'apprendre. Vous avez sollicité une audience, monseigneur, que je vous vois soudain devant moi ? Ne plaisantons pas, monsieur. Je sais qu'une fraction de l'opinion, qui toujours s'agite et intrigue, cherche à vous imposer de recevoir cette pucelle dont tout le monde parle depuis quelque temps. Cela, monseigneur, le connétable et moi-même, nous sommes venus vous dire que nous ne l'admettrions jamais. Qu'est-ce que je vous disais, belle maman ? Messieurs, je prends note de vos bons conseils et je vous en remercie. J'aviserai de la suite à donner à cette affaire. Vous pouvez disposer. L'audience est terminée. Encore une fois, monseigneur, nous ne jouons pas. Vous voyez, pour une fois que je parle en roi, tout le monde croit que je m'amuse. Alors laissez-moi donc m'amuser tranquillement. La réputation miraculeuse de cette fille l'a déjà précédée ici, monseigneur. Un inexplicable engouement. Il paraît qu'il parle déjà d'elle et l'attendent dans Orléans assiégée. La main de Dieu l'a conduit. Dieu a décidé de sauver le royaume de France par elle et de faire repasser la mer aux Anglais et autres balivernes. Dieu voudra que vous la receviez en votre royale présence. Rien ne peut l'empêcher. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir que Dieu se mêle de leurs affaires. Et naturellement, elle fait des miracles, la petite garce. C'est le contraire qui m'eût étonné. Un soldat l'a traitée de je ne sais quoi, comme elle arrivait à Chinon. Elle lui a dit... Tu as tort de jurer, toi qui paraîtras bientôt devant ton seigneur. Une heure plus tard, cet imbécile tombait par mégarde dans le puits de la cour des communs et se noyait. Ce faux pas d'un ivrogne a fait plus pour la réputation de cette fille qu'une grande victoire pour Dunois. Tout le monde est unanime, du dernier des valets de chiens aux plus grandes dames de votre cour. Comme je le vois, il n'y a plus qu'elle qui peut nous sauver. C'est absurde. Monseigneur, je traite devant vous d'une des plus graves affaires du royaume et vous jouez au bilboquet. Monseigneur, il faut s'entendre. Ou vous voulez que je joue au bilboquet, ou vous voulez que je gouverne. Voulez-vous que je gouverne ? On ne vous en demande pas tant. On voudrait seulement que vous reconnaissiez nos efforts. Je les reconnais, je les apprécie et je les trouve complètement inutiles. Tout le monde a envie que je reçoive cette fille, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit cela, monseigneur. Moi, personnellement, je n'ai aucune curiosité, vous le savez. Les nouvelles têtes m'ennuient et on connaît toujours trop de gens. Et puis les envoyés de Dieu, il est rare que ce soit des rigolos. Mais je veux être un bon roi et contenter mes peuples. Je verrai cette illuminée, ne serait-ce que pour la confondre. Vous lui avez parlé, vous, archevêque ? J'ai autre chose à faire, monseigneur, avec le poids des affaires du royaume sur mes épaules. Bien. Moi, je n'ai rien d'autre à faire qu'à jouer au bilboquet. Je vais recevoir cette fille, et si elle me donne envie de l'écouter me parler du salut du royaume, ce que personne n'a encore jamais réussi sans me faire bâiller, c'est qu'elle peut vraiment faire des miracles. Une fille de paysan chez le roi. Oh, vous savez, je reçois un peu tous les mondes chez moi. Je ne dis pas cela pour monsieur de la Trémouille, qui sort directement de la cuisse de Jupiter. Mais vous-même, monseigneur, je crois me souvenir qu'on m'a dit que vous étiez le petit-fils d'un marchand de vin. Loin de moi de vous en faire un reproche. Quoi de plus naturel ? Vous êtes venu à la prêtrise par les burettes, en somme. Et moi, vous me l'avez assez répété, il n'est pas du tout sûr que je sois fils de roi. Alors ne jouons pas au petit jeu des castes, nous nous rendrions tous ridicules. Venez, belle maman. Quoi, Charles ? J'ai envie de lui faire une bonne farce à cette petite pucelle-là. Nous allons déguiser un de mes pages avec un pourpoint royal, le moins troué. Nous le mettrons sur le trône, où il aura sûrement meilleure mine que moi, et moi, je me perdrai dans la foule. Le petit discours de l'envoyé de Dieu à un page, ce sera du dernier comique. Les courtisans prennent place avec les reines. Un page occupe le trône. Charles se glisse dans la foule. La voilà. Jeanne entre, toute seule, toute petite, toute grise, au milieu des armures et des hennins. On lui fraye un chemin jusqu'au trône. Il faut se prosterner, petite, devant le roi. Jeanne regarde le page, hésite, se retourne, se dirige directement vers Charles, dissimulé dans la foule des courtisans, et tombe à ses genoux. Qu'est-ce que vous me voulez, mademoiselle ? Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Le roi des cieux vous fait dire par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Voilà qui est bien, mademoiselle. Mais Reims est aux Anglais, que je sache. Comment y aller ? En les battant, gentil dauphin. De force, bien sûr. Nous commençons par Orléans, et après, nous irons à Reims. Mais petite folle, n'est-ce pas ce que cherchent à faire tous nos grands capitaines depuis des mois ? Je suis leur chef, j'en sais quelque chose. Et ils n'y parviennent pas. Moi, j'y parviendrai. Je voudrais bien savoir comment. Avec l'aide de notre Seigneur Dieu qui m'envoie. Hein, parce que Dieu, aux dernières nouvelles, a décidé de nous faire reprendre Orléans. Oui, messire. Et de chasser les Anglais hors de France. Voilà une bonne pensée. Mais il ne peut pas faire ses commissions lui-même. Il avait besoin de toi. Oui, messire. Jeune fille, vous dites que Dieu veut délivrer le royaume de France. Si telle est sa volonté, il n'a pas besoin de gendarmes. Oh, monseigneur, Dieu n'aime pas les fainéants. Il faudrait que les gendarmes bataillent un bon coup, et puis lui donnera la victoire. À quoi m'avez-vous reconnu? Je n'avais pas ma couronne. Gentil dauphin, ce petit rien du tout sur votre trône, avec votre couronne et votre pourpoint, c'était une bonne farce. Mais on voyait bien que ce n'était qu'un petit rien du tout. Vous vous trompez, mademoiselle. C'est le fils d'un très grand seigneur. Je ne sais pas qui sont les grands seigneurs. Mais c'est tout de même un petit rien du tout, auprès de vous qui êtes notre roi. Qui t'a dit que j'étais ton roi? Moi non plus, je ne paie pas de mine. Dieu, gentil dauphin, qui vous a désigné depuis toujours, à travers votre père et votre grand-père, et toute la suite des rois, pour être le lieutenant de son royaume. Monseigneur, les réponses de cette fille sont en effet intéressantes et font preuve d'un certain bon sens, mais dans une matière aussi délicate, il convient d'être circonspect et de s'entourer des plus sévères précautions. Une commission de sages docteurs devra longuement l'interroger et l'examiner. Nous statuerons alors en conseil sur leur rapport et nous verrons s'il est opportun d'accorder à cette fille une audience plus longue. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui qu'elle vous importune davantage. Je vais moi-même lui faire subir un premier interrogatoire. Venez, ma fille. Non, par exemple! C'est moi qu'elle a reconnu. C'est à moi qu'elle s'est adressée. Je veux que vous me laissiez seul avec elle. Tous! Mais, Altesse, il n'est pas décent que de but en blanc le souci de votre sécurité même. J'en suis seul juge. À travers mon père, mon grand-père et cette longue suite de rois. C'est bien ça? Oui. Sortez, messieurs! Le roi l'ordonne! Ils sont sortis. Tu es une fille épatante. C'est bien la première fois que je me fais obéir. Ce n'est pas vrai tout de même ce qu'il a tenté d'insinuer. Tu n'es pas venu pour me tuer. Tu n'as pas un couteau sous ta jupe. Non. Tu as une bonne bille. Au milieu de tous ces forbans de ma cour, j'avais fini par oublier ce que c'était une bonne bille. Vous êtes beaucoup à avoir une bonne tête comme ça dans mon royaume? Plein, sire. Seulement, je ne vous vois jamais. Des brutes, des prêtres ou des putains. Voilà tout ce qui m'entoure. Il y a ma petite reine qui est bien gentille. Mais elle est bête. Bon. Maintenant, tu vas commencer à me dire qu'il faut que je sois un grand roi, toi aussi. Oui, Charles. Écoute. Il va falloir que nous restions enfermés ensemble au moins une heure pour les impressionner. Si tu me parles de Dieu et du royaume de France pendant une heure, je ne tiendrai jamais. Je vais te faire une proposition. On va parler de toute autre chose pendant ce temps-là. Tu sais jouer aux cartes? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu très amusant qu'on a inventé pour papa, pour le distraire pendant sa maladie. Tu vas voir, je vais t'apprendre. Moi, c'est arrivé à m'ennuyer comme le reste, depuis le temps que j'y joue. Mais toi, qui n'as pas encore l'habitude, cela va sûrement t'amuser beaucoup. J'espère qu'ils ne me l'ont pas volé. On me vole tout ici. Et tu sais, ça vaut très cher un jeu de cartes. Il n'y a que les très grands princes qui en ont. Moi, c'est un reste de papa. Je n'aurai jamais assez d'argent pour m'en acheter un autre. Si ces cochons-là me l'ont volé. Non! Le voilà. Tu sais qu'il était fou, papa. Il y a des jours où je voudrais bien être son fils pour être sûr que je suis le vrai roi. Il y a des jours où je me dis qu'il voudrait mieux que je sois un bâtard pour ne pas craindre de devenir fou comme lui, vers la trentaine. Et entre les deux, Charles, qu'est-ce que tu préférerais? Tiens, tu me tutoies? On en voit de si drôle aujourd'hui. C'est un jour très amusant. J'ai l'impression que je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. C'est merveilleux. Tu ne t'ennuieras plus jamais maintenant, Charles. Tu crois? Ce que je préfère, dis-tu, eh bien, les jours où j'ai du courage, j'ai mieux risqué de devenir fou un jour et d'être le vrai roi. Et le jour où je n'ai pas de courage, j'ai mieux envoyer tout promener, me retirer avec mes 4 sous quelque part à l'étranger et vivre tranquille. Tu connais Agnès ? Non. C'est une jolie fille. Je ne m'ennuie pas trop avec elle non plus. Mais elle veut toujours que je lui achète des choses. Et aujourd'hui, Charles, tu as du courage ? Aujourd'hui ? Oui. Il me semble que j'ai un petit peu de courage aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'ailleurs, tu as vu comment j'ai envoyé promener l'archevêque ? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu auras du courage tous les jours, Charles. Tu as un truc ? Oui. Tu es un peu sorcière. Non, Charles, je ne suis pas sorcière. Mais j'ai tout de même un truc. Tu ne me le vendrais pas sans le dire aux autres ? Je ne suis pas très riche, mais je te ferai un bon sur le trésor. Je te le donnerai, Charles. Pour rien ? Oui. Alors je me méfie. Ou bien ce n'est pas un bon truc, ou bien cela me coûtera trop cher. Les gens désintéressés, c'est toujours hors de prix. Tu sais, j'ai pris l'habitude de faire l'imbécile pour qu'on me fiche la paix. Mais j'en sais long. On ne me roule pas facilement. Tu en sais trop long, Charles. Trop long ? On n'en sait jamais trop long ? Si, quelquefois. Mais il faut bien se défendre. Je serai là maintenant pour te défendre. Tu crois ? Oui. Et moi, je suis forte. Je n'ai peur de rien. Tu en as de la chance. Mets-toi sur le coussin. Je vais t'apprendre à jouer aux cartes. Si tu veux. Après, moi, je t'apprendrai autre chose. Quoi ? À n'avoir peur de rien. Et à ne pas être trop intelligent. Entendu. Tu vois les cartes ? On a peint des figures dessus. Il y a de tout, comme dans la vie. Des valets, des reines, des rois. Sur les autres, les petits cœurs, les petits piques, les petits trèfles, les petits carreaux, c'est la troupe. On en a beaucoup. On peut en faire tuer autant qu'on veut. On distribue les cartes sans les regarder. Le hasard t'en donne beaucoup de bonnes ou beaucoup de mauvaises. Et on livre bataille. Suivant leur valeur, les cartes peuvent se prendre les unes les autres. Quelle est la plus forte, à ton avis ? C'est le roi. Oui, c'est une des plus fortes. Mais il y a plus fort que les rois, ma fille, au jeu de cartes. Cette carte-là, ce grand cœur tout seul, tu sais comment on l'appelle ? Dieu, pardine. C'est lui qui commande les rois. Mais non, bourre d'obstiné, laisse Dieu 5 minutes tranquille. On joue aux cartes en ce moment. C'est l'as. Quoi, l'as ? C'est idiot, ton jeu de cartes. Qu'est-ce qui peut être plus fort que les rois, sinon Dieu ? L'as, précisément. L'as, c'est Dieu, si tu veux, mais dans chaque camp. Tu vois, as de cœur, as de pique, as de trèfle, as de carreau. Il y en a un pour chacun. Oh non, c'est pas long ce que je vois dans ton village. Tu crois donc que les Anglais ils ne font pas leurs prières aussi bien que nous ? Tu crois donc qu'ils n'ont pas Dieu aussi qui les protège et qui les fait vaincre ? Et mon cousin, le duc de Bourgogne, tout pareil. Un petit dieu pour la Bourgogne, tout pareil, un petit dieu très entreprenant et très malin qui lui tire toujours son épingle du jeu. Dieu, t'es avec tout le monde, ma fille. C'est l'arbitre, et il marque les points. Et en fin de compte, il est toujours avec ceux qui ont beaucoup d'argent et de grosses armées. Pourquoi voudrais-tu que Dieu soit avec la France maintenant qu'elle n'a plus rien du tout ? Peut-être parce qu'elle n'a plus rien du tout, Charles. Tu ne le connais pas. Si, Charles, mieux que toi. Dieu n'est pas avec ceux qui sont les plus forts. Il est avec ceux qui ont le plus de courage. Il y a une nuance. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Alors il ne m'aime pas. Et s'il ne m'aime pas, pourquoi veux-tu que je l'aime ? Il n'avait qu'à m'en donner du courage. Je ne demandais pas mieux, moi. Tu crois donc que c'est ta nourrice ? Et qu'il n'a que toi à s'occuper ? Tu ne pourrais pas essayer de te débrouiller un peu toi-même avec ce que tu as ? Il ne t'a pas donné de très gros bras, c'est vrai. Comme un monsieur de la Trémouille. Il t'a fait de trop longues jambes, toutes maigres. Tu as remarqué ? Pour ça, il aurait pu faire mieux. Surtout avec la mode actuelle. Tu sais que c'est à cause de mes jambes qu'Agnès ne m'aimera jamais. Si au moins il avait eu le compas dans l'œil, s'il ne m'avait pas donné de gros genoux en même temps. Je te l'accorde. Il n'a pas fait grand frais pour tes genoux. Seulement il t'a donné autre chose dans ta vilaine caboche de vilain garçon. La petite étincelle. Qui est-ce qui lui ressemble le plus ? Tu peux en faire un bon ou un mauvais usage, Charles. Pour ça, il te laisse libre, Dieu. Tu peux t'en servir pour jouer aux cartes et pour continuer à rouler l'archevêque à la petite semaine, ou bien pour bâtir ta maison et refaire ton royaume que tout le monde t'a pris. Tu as un fils, Charles, avec ta petite reine. Qu'est-ce que tu vas lui laisser à ce garçon lorsque tu mourras? Ce tout petit morceau de France grignoté par les Anglais? Tu n'as pas honte? Lui aussi, il pourra dire quand il sera grand, Dieu ne s'est pas occupé de moi. Mais ce sera toi, Charles, qui ne te sera pas occupé de lui. C'est toi, Dieu, pour ton fils. C'est toi qui l'as en charge. Dieu t'a fait roi. Il t'a donné quelque chose de très lourd à porter. Ne te plains pas. C'est sa meilleure façon de s'occuper d'un homme. Mais je vous dis que j'ai peur de tout. Je vais t'apprendre, Charles. Je vais te le donner, mon truc. D'abord, ne le répète à personne, surtout. Moi aussi, j'ai peur de tout. Tu sais, pour moi, ça a été encore plus compliqué que pour toi de refaire ton royaume, de venir ici. Il a fallu que j'explique à mon père qui m'a battue et qui a cru que je voulais devenir une ribaude à la traîne des soldats. Et toute proportion gardée, il cogne encore plus dur que les Anglais, tu sais, mon père. Tu crois que je n'ai pas eu peur? J'ai eu peur tout le temps. Et comment as-tu fait? Comme si je n'avais pas peur. C'est pas plus difficile que ça, Charles. Tu n'as qu'à essayer une fois. Et si tu vois quelque chose qui te paraît insurmontable devant toi... La Trémouille en train de gueuler. Si tu veux. Ou les Anglais, bien solides devant Orléans dans leur bonne grosse Bastille. Tu te dis, bon, ils sont plus nombreux. Ils ont de gros murs, des canons, de grosses réserves de flèches. Ils sont toujours les plus forts, soit. J'ai peur. Un bon coup, là. Voilà. Maintenant que j'ai eu bien peur, allons-y. Et les autres sont si étonnés que tu n'aies pas peur, que du coup ils se mettent à avoir peur, eux. Et tu passes. Tu passes. Parce que comme tu es plus intelligent, toi tu as eu peur avant. Voilà tout le secret. Tu crois qu'on les sait ton truc? Bien sûr qu'on les sait. Il faut toujours essayer. Non, demain, que j'ai le temps de me préparer. Non, tout de suite, tu es fin prêt. On appelle l'archevêque et la Trémouille et on leur dit que je te confie le commandement de l'armée pour voir leur tête. On les appelle. Oh, j'ai peur, je crève de peur en ce moment. Alors le plus dur est fait. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il te reste de la peur quand ils seront là. Tu as bien peur, tant que tu peux. Je te crois. Alors ça va, tu as une énorme avance sur eux. Le tout, c'est d'avoir peur le premier et avant la bataille. Tu vas voir, je les appelle. Monseigneur l'archevêque, monsieur de la Trémouille, Monseigneur le Dauphin désire vous parler. Oh, ce que j'ai peur, ce que j'ai peur. Vas-y, Charles, de toutes tes forces. Mais je ne peux pas plus fort. Alors c'est gagné. Dieu te regarde. Il sourit et il se dit, tout de même, ce petit Charles. Il a peur, il les appelle. Dans 8 jours, nous tenons Orléans, fiston. Vous nous avez fait appeler, Altesse? Oui, j'ai pris une décision, monseigneur. Une décision qui vous concerne aussi, monsieur de la Trémouille. Je donne le commandement de mon armée royale à la pucelle ici présente. Si vous n'êtes pas d'accord, monsieur de la Trémouille, je vous prie de me rendre votre épée. Vous êtes arrêté! Bravo, petit Charles. Tu vois comme c'était simple. Regarde leur tête, ils meurent de peur. Merci, mon Dieu. À genoux, monsieur de la Trémouille. À genoux. Et vous, archevêque, donnez-nous votre bénédiction. Et plus vite que ça, nous n'avons plus une minute à perdre. Maintenant que nous avons eu tous bien peur, il faut que nous filions à Orléans. La Trémouille s'est agenouillée, abrutie, sous le coup. L'archevêque, ahuri, leur donne machinalement sa bénédiction. Oh, évidemment, dans la réalité, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, non. Il y a eu conseil, on a longuement discuté le pour et le contre, et décidé finalement de se servir de Jeanne comme une sorte de porte-drapeau pour répondre aux vœux populaires. Une gentille petite mascotte, en somme, bien faite pour séduire les gens simples et les décider à se faire tuer. Nous, nous avions beau donner avant chaque assaut triple ration de gin à nos hommes, ça ne leur faisait pas du tout le même effet. Et nous avons commencé à être battus de ce jour-là contre toutes les lois de la stratégie. On a dit qu'il n'y avait pas de miracle de Jeanne, qu'autour d'Orléans, notre réseau de bastilles isolées était absurde et qu'il suffisait d'attaquer, comme elle aurait simplement décidé l'état-major Armagnac à le faire. C'est faux. Sir John Talbot n'était pas un imbécile. Et il connaissait son métier. Il l'a prouvé avant cette malheureuse affaire et depuis. Son réseau fortifié était théoriquement inattaquable. Non. Non, ce qu'il y a eu en plus, ayant l'élégance d'en convenir, c'est l'impondérable. Dieu, si vous y tenez, Seigneur évêque. Ce que les états-majors ne prévoient jamais, c'est cette petite alouette chantant dans le ciel de France au-dessus de la tête de leur fantassin. Personnellement, Monseigneur, j'aime beaucoup la France. Et c'est pour ça que je ne me consolerai jamais si nous la perdions. Ces deux notes claires, ce chant joyeux et absurde d'une petite alouette immobile dans le soleil pendant qu'on lui tire dessus, c'est toute elle. Enfin, ce qu'elle a de mieux en elle, car elle a aussi sa bonne mesure d'imbécile, d'incapable, de crapule. Mais de temps en temps, il y a une alouette dans son ciel qui les efface. J'aime bien la France. Pourtant, vous lui tirez dessus. Mais l'homme fait des contradictions, Seigneur évêque. Il est très fréquent de tuer ce qu'on aime. J'adore les bêtes aussi et je suis chasseur. Allez, la petite alouette est prise, le piège de Compiègne s'est refermé, la page éclatante est jouée. Allez, Charles et sa cour vont abandonner sans un regard la petite mascotte qui ne semble plus leur porter bonheur et revenir à la bonne vieille politique. Charles, la Trémouille et l'archevêque Sournois se sont éloignés de Jeanne, qui prie toujours à genoux. Oh! Elle se dresse, étonnée d'être seule. Ton roi t'abandonne, Jeanne. Pourquoi t'obstiner à le défendre? On t'a lu hier la lettre qu'il a envoyée à toutes ces bonnes villes. Te désavouant. C'est mon roi. Jeanne, écoute-moi bien et essaie de me comprendre. Ton roi n'est point notre roi. Un traité en bonne et due forme fait de notre sire Henri VI de Lancastre le roi de France et d'Angleterre. La résistance vaine du clan Armagnac, les ambitions ridicules de celui que tu appelles ton roi à un trône qui n'est pas le sien sont pour nous actes de rébellion et de terrorisme contre une paix qui était presque assurée. Le fantoche que tu as servi n'est pas notre maître. Comprends-le bien. Dites toujours, vous n'y pouvez rien. C'est le roi que Dieu vous a donné. Tout maigrichon qu'il est, le pauvre, avec ses longues jambes et ses vilains gros genoux. Tu n'es pourtant pas sotte, Jeanne. Maintes de tes insolentes réponses nous l'ont prouvé. Mets-toi un instant à notre place. Comment veux-tu qu'en tant qu'homme, au plus profond de notre conviction humaine, nous admettions que c'est Dieu qui t'a envoyé contre la cause que nous défendons? Comment veux-tu que nous admettions, uniquement parce que tu nous assures avoir entendu des voix, que Dieu s'est mis contre nous? Vous le verrez bien, quand nous vous aurons tout à fait battu. Bon, tu me réponds comme une petite fille butée, volontairement. Si nous considérons maintenant la question en tant que prêtre, en tant que défenseur de notre Sainte Mère, l'Église, quelle meilleure raison avons-nous d'ajouter foi à ce que tu dis? Crois-tu être la première à avoir entendu des voix? Non, sans doute. Ni la première, ni la dernière, Jeanne. Maintenant, crois-tu que si chaque fois qu'une petite fille dans son village est venue dire à son curé « J'ai vu tel saint ou la Vierge Marie, j'ai entendu des voix qui m'ont dit de faire telle ou telle chose », crois-tu que si son curé l'avait cru et laissé faire, l'église serait encore debout? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu es pleine de bon sens. C'est pourquoi je m'efforce de t'amener à raisonner avec moi. Tu as été chef de guerre, Jeanne. Oui, J'ai commandé à des centaines de beaux garçons qui me suivaient, me croyaient. Tu as commandé. Si, le matin d'une attaque, un de tes soldats avait entendu des voix lui persuadant d'attaquer par une autre porte que celle que tu avais choisie, ou de ne pas attaquer du tout, mais qu'aurais-tu fait? Seigneur évêque, on voit bien que vous êtes prêtre, que vous ne les avez jamais vus de près, nos troufions. Ils cognent dur, ils boivent sec, oui, mais pour ce qui est d'entendre des voix... Une plaisanterie n'a jamais été une réponse, Jeanne. Mais ta réponse à ma question, tu l'as faite avant de parler. Pendant la seconde où tu t'es tue, désemparée. Eh bien, l'Église militante est une armée sur cette terre encore grouillante d'infidèles et de forces du mal. Elle doit obéissance à notre Saint-Père le Pape et à ses évêques, comme on te devait obéissance à toi et à tes lieutenants. Et le soldat qui, le matin de l'attaque, vient dire qu'il a entendu des voix qui lui conseillaient de ne pas attaquer, dans toutes les armées du monde, y compris la tienne, on le fait taire, et beaucoup plus brutalement que nous essayons de te raisonner. Cogner dur, c'est votre droit. Moi, mon droit est de continuer à croire et de vous dire non. Ne t'enferme pas dans ton orgueil, Jeanne. Tu comprends bien que, ni en tant qu'homme, ni en tant que prêtre, nous n'avions aucune raison valable de croire à l'origine divine de ta mission. Toi seul as une raison d'y croire, poussée sans doute par le démon qui veut te perdre. Personne ne croit plus à toi, Jeanne, hormis le menu peuple qui croit tout, qui en croira une autre demain. Tu es toute seule. Et ne va pas croire non plus que ton obstination à nous résister, que ta force de caractère soit le signe que Dieu te soutient. Le diable aussi a la peau dure et l'intelligence. Il a été un des anges les plus intelligents avant de se révolter. Je ne suis pas intelligente, messire. Je suis une pauvre fille de mon village, pareille aux autres. Mais quand quelque chose est noir, je ne peux pas dire que c'est blanc, voilà tout. À quel signe t'es-tu fait reconnaître de celui que tu appelles ton roi pour qu'il te confie son armée? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu de signe. Tu lui as donné un morceau de ta mandragore pour le protéger? Je ne sais pas ce que c'est qu'une mandragore. File ton formule, ton secret à un nom et nous voulons le savoir. Qu'as-tu donné à ton prince, à Chinon, pour qu'il reprenne soudain courage? Cela a-t-il un nom hébreu? Le diable parle toutes les langues, mais il affectionne l'hébreu. Non, messire. Cela a un nom français. Et vous venez vous-même de le dire. Je lui ai donné du courage. Voilà tout. Et Dieu, ou enfin la puissance que tu crois être Dieu, n'est intervenu en rien, crois-tu? Je crois que Dieu intervient tout le temps, Seigneur évêque. Quand une fille dit deux mots de bon sens et qu'on l'écoute, c'est que Dieu est là. Dieu est économe. Quand deux sous de bon sens suffisent, il ne va pas faire la dépense d'un miracle. Voilà une bonne et humble réponse, Monseigneur, et qui ne peut être retenue contre elle. Voir, tu ne crois donc pas aux miracles tels qu'ils nous sont enseignés dans les livres saints? Tu nies ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ aux noces de Cana? Tu nies qu'il ait ressuscité Lazare? Non, messire. Notre Seigneur a fait sûrement tout cela, puisque c'est écrit dans ses livres. Il a changé l'eau en vin. Comme il avait créé l'eau et le vin, il a renoué le fil de la vie de Lazare. Mais pour lui, qui est le maître de la vie et de la mort, ça ne devait rien être de plus extraordinaire que pour moi de filer une quenouille. Mais écoutez-la, écoutez-la, elle dit qu'il n'y a pas de miracle. Si, messire. Il me semble seulement que les vrais miracles, ça ne doit pas être ces tours de passe-passe. Les Romanichels sur la place de mon village en faisaient aussi. Les vrais miracles, ceux qui font sourire Dieu de plaisir dans le ciel, ce doit être ce que les hommes font tout seuls, avec le courage et l'intelligence qu'il leur a donné. Tu mesures la gravité de tes paroles, Jeanne? Tu es en train de nous dire tout tranquillement que le vrai miracle de Dieu sur cette terre, ce serait l'homme, pas autre chose. L'homme, qui n'est que péché, erreur, maladresse, impuissant. Oui, mais force et courage aussi. Et clarté, au moment où il est le plus vilain. Je les ai vus, moi, à la guerre. Monseigneur, Jeanne nous dit dans son langage maladroit les intuitions peut-être erronées, mais sûrement naïves de son cœur. Sa pensée, en tout cas, ne peut pas être assez ferme pour se mouler dans notre dialectique. Peut-être qu'en la pressant de questions, nous risquons de lui faire dire davantage ou autre chose que ce qu'elle veut dire. Frère l'advenu, nous tâcherons d'apprécier la part de maladresse de ses réponses aussi honnêtement que possible. Mais notre devoir est de la questionner jusqu'au bout. Nous ne sommes pas tellement sûrs de n'avoir affaire qu'à Jeanne, ne l'oubliez pas. Ainsi, Jeanne, tu excuses l'homme, tu le crois l'un des plus grands miracles de Dieu, voire le seul. Oui, messire. Tu blasphèmes ! L'homme est impureté, stupre, visions obscènes. L'homme se tord sur sa couche dans la nuit en proie à toutes les obsessions de la bête. Oui, messire. Et il pêche. Il est ignoble. Et puis soudain, on ne sait pas pourquoi, il aimait tant vivre et jouir ce pourceau. Il se jette à la tête d'un cheval emballé en sortant d'une maison de débauche pour sauver un petit enfant inconnu. Et les eaux brisées meurent tranquilles. Lui qui s'était donné tant de mal pour organiser sa nuit de plaisir. Il meurt comme une bête dans le péché, damné, sans prêtre. Non, messire. Tout luisant, tout propre. Et Dieu l'attend en souriant. Car il a agi deux fois comme un homme, en faisant le mal et en faisant le bien. Et Dieu l'avait justement créé pour cette contradiction. Jeanne. Je t'ai laissé parler tout au long de ce procès sans presque jamais t'interroger. Je voulais te laisser venir. Cela a été long. Le promoteur voyait partout le diable. L'évêque voyait partout l'orgueil d'une petite fille enivrée de sa réussite. Derrière ton obstination tranquille, derrière ton petit front têtu, j'attendais qu'autre chose se montre. Et voici que tu viens. Maintenant. Je représente ici la Sainte Inquisition, dont je suis le vicaire pour la France. J'arrive du fond de l'Espagne. C'est la première fois qu'on m'envoie ici, et il m'est indifférent à moi que ce soit ton prince ou Henri VI de Lancastre qui règne sur la France. La discipline au sein de notre mère l'Église, je ne veux pas dire qu'elle me soit indifférente, mais enfin c'est une besogne secondaire. Un travail de gendarmerie dont l'Inquisition laisse le soin aux évêques et aux curés. La Sainte Inquisition a autre chose de plus haut et de plus secret à défendre que l'intégrité temporelle de l'Église. Elle lutte dans l'invisible, secrètement, contre un ennemi qu'elle seule sait reconnaître, dont elle seule sait apprécier le danger. Et son ennemi n'est pas le diable. Le diable fourchu pour enfant turbulent que messire promoteur voit partout. Son ennemi, son seul ennemi. Tu viens te dévoilant de prononcer son nom. C'est l'homme. Debout, Jeanne. Et réponds. C'est moi maintenant qui t'interroge. Tu es chrétienne. Oui, messire. Tu as été baptisée. Et toute petite, tu as vécu à l'ombre de l'église qui touchait ta maison. Oui, messire, j'étais bien. Tu soignais les petits-enfants pauvres, les malades, sans le dire. Plus tard, la première rencontre à laquelle tu as participé, tu t'es mise à sangloter au milieu des blessés. Je ne pouvais pas voir couler le sang français. Pas seulement le sang français. Une brute qui avait capturé deux Anglais dans une escarmouche devant Orléans en a abattu un qui n'avançait pas assez vite. Tu t'es jeté de ton cheval en larmes. La tête de l'homme sur tes genoux, tu l'as consolé et aidé à mourir, essuyant le sang de sa bouche, l'appelant ton petit enfant et lui promettant le ciel. Vous savez cela, messire ? La Sainte Inquisition sait tout, Jeanne. Elle a pesé le poids de ta tendresse humaine avant de m'envoyer te juger. Messire inquisiteur, je suis heureux de vous entendre rappeler tous ces détails qui jusqu'ici avaient été passés sous silence. Oui, tout ce que nous savons de Jeanne depuis sa petite enfance n'est qu'humilité, gentillesse, charité chrétienne. Silence, frère advenu. Encore une fois, maintenant, c'est moi qui interroge. Je vous prie de ne pas oublier que je représente ici la Sainte Inquisition. Seul qualifié pour distinguer entre la charité, vertu théologale, et l'ignoble, le répugnant, le trouble breuvage du lait de la tendresse humaine. Femme et maître, comme vous êtes prompt à vous attendrir. Que l'accusée soit une petite fille, avec de grands yeux bien clairs ouverts sur vous, dessous de bon cœur et d'ingénuité, et vous voilà prêt à l'absoudre, bouleversé. Les bons défenseurs de la foi que voilà. Je vois que la Sainte Inquisition a du pain encore sur la planche, et qu'il faudra tailler, tailler, toujours tailler, et que d'autres taillent encore lorsque nous ne serons plus, abattant sans pitié, éclaircissant les rangs pour que la forêt reste saine. Notre Seigneur a aimé de cet amour-là, messire. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il a mis sa main sur l'épaule de la femme adultère et lui a dit « Va en paix ». Silence, frère, êtes venu vous dire. Ou il faudra que je m'occupe aussi de votre cas. Nous faisons lire des passages de l'Évangile aux prônes. Nous demandons à nos curés de l'expliquer. L'avons-nous traduit en langue vulgaire? L'avons-nous mis entre toutes les mains? Ne serait-ce pas un crime de laisser les âmes simples rêver et broder sur ces textes que nous seuls devons interpréter? Vous êtes jeune, je veux le croire, frère l'advenu, et généreux dedans. L'expérience vous apprendra bientôt que jeunesse, générosité, tendresse humaine sont des noms d'ennemis. En tout cas, je vous le souhaite. Apprenez que dans les textes dont vous parlez, si nous faisions l'imprudence d'aller leur confier, les simples puiseraient l'amour de l'homme. Et qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Il a voulu se faire homme, pourtant. Seigneur évêque, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire de président de ces débats, je vous demande de vous priver pour aujourd'hui de la collaboration de votre jeune assesseur. J'aviserai, après cette séance, des conclusions à déposer contre lui s'il y a lieu. Contre lui ou contre quiconque ! Il n'y a pas de tête trop haute pour nous, vous le savez. Je déposerai contre moi-même si Dieu me laissait m'égarer. Qu'il m'en garde. Sortez, frère l'advenu. Messire inquisiteur, je vous dois obéissance, ainsi qu'à mon révérend seigneur évêque. Je sors. Je me tais. Je prie seulement notre Seigneur Jésus, quand vous serez seul en face de lui, de vous amener à considérer la fragilité de votre petit ennemi. Plus notre ennemi est petit et fragile, plus il est tendre, plus il est pur, plus il est innocent, plus il est redoutable. La première fois que tu as entendu tes voix, tu n'avais pas 15 ans. Au début, elles t'ont seulement dit « Sois bonne et sage et va souvent à l'église. » Oui, messire. Jusqu'ici, je vais te choquer, il n'y avait rien de très exceptionnel dans ton cas. Messire Cochon te l'a dit, nos archives sont pleines des rapports de nos curés disant que dans leur village, il y a une petite fille qui entend des voix. Nous laissons faire. La petite fille fait tranquillement sa petite crise de mysticisme avec ses maladies d'enfant. Si la crise se prolonge au-delà de sa puberté, elle se fait généralement religieuse. Et nous la signalons simplement à son couvent pour qu'on limite son temps de méditation et de prière et qu'on l'accable de travaux grossiers. La fatigue est un bon remède. Et tout cela finit par s'éteindre et se noyer tranquillement dans les eaux de vaisselle. D'autres fois, la crise tourne court, la fille se marie et au deuxième moutard pendu hurlant à ses jupes, nous sommes tranquilles sur les voix qu'elle entendra dorénavant. Toi, tu as continué. Et un beau jour, tes voix t'ont dit autre chose. Quelque chose de précis, d'insolite pour des voix célestes. D'aller sauver le royaume de France et d'en chasser les Anglais. Avais-tu souffert de la guerre à Don Rémy ? Non. Rien n'a été brûlé jamais chez nous. Tu étais donc une petite fille aisée et heureuse. Et les malheurs de la France, pour toi, ce n'étaient que des récits de veillée. Un jour, pourtant, tu as senti qu'il fallait que tu partes. Mes voix me le disaient. Un jour, tu as senti qu'il fallait que tu te charges de ce malheur des autres hommes autour de toi. Et tu savais déjà tout. Que ta chevauchée serait glorieuse et courte, et que ton roi sacré, tu te retrouverais où tu es en ce moment, traqué parmi nous, au pied de ce bûcher qui t'attend, prêt à être allumé sur la place du marché. Ne mens pas, Jeanne, tu le savais. Mes voix m'ont dit que je serais prise et qu'après je serais délivrée. Délivrée. C'est un terme pour roi céleste, ça. Tu t'es bien douté, n'est-ce pas, de ce que « délivrée » pouvait vouloir dire pour elle de très vague et de très éthérée. La mort, bien sûr, délivre. Et tu es parti tout de même, malgré ton père et ta mère, malgré tous les obstacles devant toi. Oui, messire, il le fallait. Mais c'est juste sans père et sans mère. Et quand j'aurais dû user mes pieds jusqu'aux genoux, je serais parti. Pour aider tes frères, les hommes, dans leur œuvre la plus strictement humaine, la possession du sol où ils sont nés et qu'ils s'imaginent leur appartenir. Notre seigneur ne pouvait pas vouloir que les Anglais tuent, pillent et fassent la loi chez nous. Quand ils auront repassé la mer, eux aussi seront des enfants de Dieu, chez eux. Et moi, je n'irai pas leur chercher noise. Présomption, orgueil! Tu crois que tu n'aurais pas mieux fait de continuer à coudre et filer chez ta mère? J'avais autre chose à faire, messire. Pour ce qui est des œuvres de femmes, il y aura toujours bien d'autres femmes pour les faire. L'idée est toute simple, ne t'est pas venue, plus conforme à ta condition de fille, de consacrer une vie de prière et de pénitence à obtenir du ciel qu'il chasse les Anglais. Dieu veut qu'on cogne d'abord, messire. La prière, c'est en plus. J'ai préféré expliquer à Charles comment il fallait attaquer. C'était plus simple. Et il m'a cru. Et le gentil Dunois m'a cru aussi. Et l'Aïr, Exintraille. Mais bon taureau furieux. Nous avons eu quelques joyeuses batailles tous ensemble. On était bien dans le petit matin, entre bons amis, botte à botte. Pour tuer, Jeanne. Notre Seigneur a-t-il dit de tuer? Tu as aimé la guerre, Jeanne. Oui. Ce doit être un des péchés dont il faudra que Dieu m'absolve. Le soir, je pleurais sur le champ de bataille de voir que cette joyeuse fête du matin avait fait tant de pauvres morts. Et le lendemain, tu recommençais. Dieu le voulait. Tant qu'il restera un Anglais en France. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Il y avait le travail à faire, d'abord. Voilà tout. Vous êtes savant, vous pensez trop. Vous ne pouvez plus comprendre les choses simples. Mais le plus bête de mes soldats comprenait, lui. Pas vrai, Laïr? Bien sûr, Madame Jeanne. Laïr. Alors, Madame Jeanne, on a fait notre petite prière comme convenu. Est-ce qu'on va cogner un peu ce matin? Bon, Laïr. Mon gros Laïr. C'est toi. Oh, tu sens bon. Un petit coup de rouge et un oignon. C'est mon menu le matin. Faites excuse, Madame Jeanne. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais j'ai fait ma prière avant, pour que le bon Dieu ne me sente pas pendant que je lui parlais. Ne vous approchez pas trop. Je dois puer. Non, tu sens bon. M'accablez pas, Madame Jeanne. D'habitude, vous dites que je pue, que c'en est une honte pour un chrétien. D'habitude, vous dites que si le vent porte par là, je vais nous faire repérer des godons tellement je pue et qu'on va rater notre embuscade à cause de moi. Un tout petit oignon et deux doigts de rouge, pas plus. Ah, ça, il faut être franc, j'ai pas mis d'eau. Enfin, c'est tout de même pas un péché, l'oignon. Non, Laïr. Avec vous, on ne sait plus. Rien n'est péché, Laïr, de ce qui est vrai. J'étais une bête. J'étais trop tourmentée. Je savais pas. Mon gros ours. Tu sens bon la sueur chaude, l'oignon cru, le vin rouge, toutes les bonnes odeurs innocentes des hommes. Mon gros ours. Tu jures, tu ne penses qu'aux filles. Moi? Toi, ah oui, fais l'étonner pour ça. Et tu es pourtant comme un petit sou tout neuf dans la main de Dieu. C'est vrai, Madame Jeanne? Vous croyez qu'avec ma chienne de vie, j'ai tout de même une petite chance de paradis si je fais bien ma prière tous les jours comme convenu? On t'y attend, Laïr. Le paradis de Dieu, je sais maintenant qu'il est plein de brutes comme toi. C'est vrai. J'aimerais mieux à tout prendre qu'il y ait quelques copains. J'ai toujours eu peur d'être gêné au début avec les saints et les évêques. Faudrait parler. Gros ballon, gros lourdeau, grosse tourte. Mais c'est plein d'imbéciles, le paradis. Notre Seigneur l'a dit. Il y a peut-être même que ceux-là qui y entrent. C'est rien que des copains au paradis. C'est vrai. On va pas s'ennuyer tout de même entre nous, s'il faut être poli. On se battra tout de même un petit peu. Toute la journée. Une minute, quand le bon Dieu nous verra pas. Mais il nous verra tout le temps, Balot, il voit tout. Et il rigolera de vous voir faire. Il criera « Venez l'haïr ! Entre-lui dans le chou, Axentraille ! Donne-lui le lard ! Montre-lui que t'es un homme !» Comme ça. En plus distingué, bien sûr. Oh, oh nom de Dieu ! L'haïr. Oh, pardon. Si tu jures, il te fout dehors. C'était de plaisir. C'était pour lui dire merci. Il s'en est douté. Mais ne recommence pas, ou c'est à moi que tu auras affaire. Allez, assez parlé ce matin. À cheval maintenant, mon gars. À cheval. On est bien à cheval dans le petit matin, Laïr. Avec un copain. Tu sens l'herbe mouillée ? C'est ça, la guerre. C'est pour ça que les hommes se battent, pour sentir la vraie odeur de l'herbe mouillée du matin, botte à botte avec un copain. Remarquez qu'il y en a qui se contentent de faire une petite promenade. Oui, mais ceux-là ne sentent pas la vraie odeur de l'aube, la vraie chaleur du copain contre leurs cuisses. Il faut la mort au bout, mon petit père, pour que le bon Dieu vous donne tout ça. Et si on rencontre des godons qui les aimeraient aussi, les bonnes odeurs. On fonce ? C'est qui que t'aurais peur, mon gars ? Moi ? On fonce dedans et on cogne dur, on est là pour ça. Mais alors, Madame Jeanne, si c'est vrai ce que vous avez dit, les godons qu'on expédie, ils vont tout droit au paradis ? Y a pas plus couillon que des Anglais. Bien sûr qu'ils y vont, qu'est-ce que tu crois ? Arrête ! Voilà trois godons là-bas. Ils nous ont vus, ils se sauvent. Non ! Ils sont retournés. Ils ont compté qu'on était que deux, ils foncent. T'as pas peur, Laïr ? Moi, je compte pas. Je suis qu'une fille et j'ai même pas d'épée. T'y vas-y quand même. Foudre, oui ! Nom de Dieu ! Non, j'ai rien dit, mon Dieu, j'ai rien dit. Faites pas attention. Halle ! Halle ! Il a rien dit, mon Dieu, il a rien dit. Il est bon comme le pain, il est bon comme Xintraille. Il est bon comme chacun de mes soldats qui tue, qui pille, qui jure, qui viole. Il est bon comme vos loups, mon Dieu, que vous avez fait innocents. Je réponds de tous. Mon Laïr, mon Xintraille, le dernier mot n'est pas encore dit. Vous verrez qu'ils viendront me délivrer tous les deux, avec 300 ou 400 bonnes lances. Ils sont venus, Jeanne, jusqu'aux portes de Rouen pour savoir combien il y avait d'Anglais dans la ville. Et puis ils sont repartis. Ah ? Ils sont repartis ? Sans se battre ? Ils sont partis chercher du renfort, bien sûr. C'est moi qui leur ai appris qu'il ne fallait pas attaquer n'importe comment. Comme à Azincourt. Ils sont repartis vers le midi, au sud de la Loire, où Charles, las de la guerre, licencie ses armées et cherche à conclure un traité pour conserver au moins son petit bout de France. Ils ne reviendront jamais, Jeanne. Ce n'est pas vrai. Laïr reviendra, même s'ils n'ont qu'une chance. Laïr n'est qu'un chef de bande qui s'est vendu avec sa compagnie à un autre prince quand il a su que le tien allait faire la paix. Il marche en ce moment vers l'Allemagne pour trouver un autre pays à piller, tout simplement. Ce n'est pas vrai ! T'es jamais menti, Jeanne. C'est vrai. Alors pourquoi te sacrifierais-tu pour défendre ceux qui t'abandonnent ? Les seuls hommes au monde qui essaient encore de te sauver, si paradoxal que cela puisse paraître, c'est nous, tes anciens ennemis et tes juges. Abjure, Jeanne. Tu ne résistes plus que pour ceux qui viennent de te trahir. Rentre dans le sein de ta mère, l'Église. Elle pèsera ta part d'erreur, te délivrant même de cette angoisse de la juger par toi-même. Tu n'auras plus à penser à rien. Tu feras ta punition, qu'elle soit lourde ou légère, et tu iras en paix, enfin. Tu dois avoir besoin de paix. Pour ce qui est de la foi, je m'en remets à l'Église. Mais pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en dédirai jamais. Vous le voyez, mes maîtres, l'homme, relevez la tête. Vous comprenez maintenant qui vous jugez ? Ces voix célestes vous avaient assourdi aussi, ma parole. Vous vous obstiniez à chercher je ne sais quel diable embusqué derrière elle. Je voudrais bien qu'il ne s'agisse que du diable. Son procès serait vite fait. L'homme transparent et tranquille me fait mille fois plus peur. Regardez-le, enchaîné, désarmé, abandonné des siens. Et plus très sûr, n'est-ce pas, Jeanne, que ces voix qui se sont tues depuis si longtemps lui aient jamais vraiment parlé. S'écroule-t-il, suppliant Dieu de le reprendre dans sa main? Implore-t-il au moins que ses voix lui reviennent pour éclairer sa route? Non! Il se retourne. Il fait face, sous la torture, l'humiliation et les coups, dans cette misère de bête sur la litière humide de son cachot. Il lève les yeux vers cette image invaincue de lui-même qui est son seul vrai Dieu. Voilà ce que je crains! Et il répond. Répète, Jeanne. Tu meurs d'envie de le redire. Pour ce qui est de ce que j'ai fait... Je ne m'en dédirai jamais. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en dédirai jamais. Les entendez-vous, les mots qu'ils ont tous dit sur les bûchers, les échafauds, au fond des chambres de torture, chaque fois que nous avons pu nous saisir d'eux, les mots qu'ils rediront encore dans des siècles, avec la même impudence, car la chasse à l'homme ne sera jamais fermée. Si puissant que nous devenions un jour, sous une forme ou sous une autre, si lourde que se fasse l'idée sur le monde, si dure, si précise, si subtile que soit son organisation et sa police, il y aura toujours un homme à chasser quelque part, qui lui aura échappé, qu'on prendra enfin, qu'on tuera, et qui humiliera encore une fois l'idée au comble de sa puissance, simplement parce qu'il dira non, sans baisser les yeux. Oh, l'insolente race. Eh bien, il faudra que nous apprenions, mes maîtres, d'une façon ou d'une autre, et si cher que cela coûte à l'humanité, à faire dire oui à l'homme. Tant qu'il restera un homme qui ne sera pas brisé, l'idée, même si elle domine et broie tout le reste du monde, sera en danger de périr. C'est pourquoi je réclame pour Jeanne l'excommunication, le rejet hors du sein de l'Église et sa remise au bras séculier pour qu'il la frappe. Le priant toutefois de limiter sa sentence en deçà de la mort et de la mutilation des membres. Ce sera une piètre victoire contre toi, Jeanne, mais enfin, tu te tairas. Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé mieux. Messire l'inquisiteur vient le premier de demander ton excommunication et ton supplice, Jeanne. Dans un instant, je crains que messire le promoteur ne demande la même chose. Chacun de nous dira son sentiment et il me faudra décider. Avant de couper et de jeter loin d'elle ce membre pourri que tu es, ta mère l'Église, à qui la brebis égarée est plus chère que toutes les autres, ne l'oublie pas, va te conjurer une dernière fois. Jeanne, connais-tu cet homme? Avance, maître. C'est le maître bourreau de Rouen. C'est à lui que tu vas appartenir tout à l'heure si tu ne veux pas nous remettre ton âme afin que nous la sauvions. Ton bûcher est-il prêt, maître? Prêt, monseigneur. Mais c'est plus haut que le bûcher réglementaire. Des ordres m'ont été donnés pour qu'on voie bien la fille de partout. L'ennui pour elle, c'est que je ne pourrai pas l'aider. Elle sera trop haut. Qu'appelles-tu l'aider, maître? Un tour de main du métier, monseigneur, qui est de coutume quand il n'y a pas d'instruction spéciale. On laisse les premières flammes monter, et puis, dans la fumée, je grimpe derrière, comme pour arranger les fagots. Et j'étrangle. Il n'y a plus que la carcasse qui grille, c'est moins dur. Mais, avec les instructions que j'ai reçues, c'est trop haut. Je ne pourrai pas grimper. Alors, forcément, ce sera plus long. Tu as entendu, Jeanne? Oui. Je vais te tendre une dernière fois la main. La grande main secourable de ta mère qui veut te reprendre et te sauver. mais tu n'auras pas plus long délai. Écoute ce grondement. C'est la foule qui t'attend déjà depuis l'aube. Ils sont venus tôt pour avoir de bonnes places. Ils mangent leurs provisions en ce moment, grondent leurs enfants, se font des farces et demandent aux soldats si cela va bientôt commencer. Ils ne sont pas méchants. Ce sont les mêmes qui seraient venus t'acclamer à ton entrée solennelle si tu avais pris Rouen. Les choses ont tourné autrement, voilà tout, alors ils viennent te voir brûler. Il faut leur pardonner, Jeanne. Ils paient toute leur vie assez cher d'être le peuple pour avoir ces petites distractions-là. Je leur pardonne. Et à vous aussi, messire. Orgueilleuse ! Abominable orgueilleuse ! Monseigneur te parle comme un père pour sauver ta misérable âme perdue. Et tu as le front de lui dire que tu lui pardonnes? Monseigneur me parle doucement. Mais je ne sais si c'est pour me sauver ou pour me vaincre. Et comme il sera obligé de me faire brûler tout de même tout à l'heure, je lui pardonne. Jeanne, essaie de comprendre qu'il y a quelque chose d'absurde dans ton refus. Tu n'es pas une infidèle. Le Dieu dont tu te réclames est le nôtre aussi. Tu ne nous crois pas des prêtres indignes, Jeanne? Non. Alors, pourquoi ne veux-tu pas faire ce que Dieu a dit? Pourquoi ne veux-tu pas remettre ta faute à son église comme tu le faisais enfant dans ton village? Tu n'as pas changé de foi. Je veux me remettre à l'église. Je veux la Sainte Communion, on me la refuse. Nous te la donnerons après ta confession et ta pénitence commencée. Il faut seulement que tu nous dises oui. Tu es courageuse, nous le savons tous, mais ta chair est tendre encore. Tu dois avoir peur de mourir. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que ça fait? Je t'estime assez, Jeanne, pour croire que cela ne serait pas suffisant pour te faire abjurer. Mais tu dois avoir une autre peur, plus grande encore, celle de t'être trompée et de t'exposer par orgueil, par obstination, à la damnation éternelle. Or, qu'est-ce que tu risques? Même si tes voix viennent de Dieu, à faire ton acte de soumission au prêtre de son église. Si nous ne prions pas à tes voix et à leurs commandements et que nous t'infligeons la punition que nous croirons raisonnable, admettons que Dieu t'ait vraiment parlé par l'intermédiaire de son archange et de ses saintes. Eh bien, c'est nous qui commettrons un monstrueux péché d'ignorance, de présomption et d'orgueil et qui le paierons tout au long de notre vie éternelle. Nous prenons ce risque pour toi, Jeanne. Toi, tu n'en prends aucun. Dis-nous, je m'en remets à vous. Dis-nous simplement, oui, et toi, tu es en paix. Tu es blanche, à coup sûr, tu ne risques plus rien. Pourquoi me torturez-vous si doucement, messire? J'aimerais mieux que vous me battiez. Si je te battais, je donnerais une trop bonne excuse à ton orgueil qui ne demande qu'à te faire mourir. Je te raisonne. Parce que Dieu t'a faite pleine de bon sens et de raison. Je te supplie, même parce que je sais que tu es tendre. Je suis un vieil homme, Jeanne. Je n'attends plus grand-chose de ce monde. Et j'ai beaucoup tué, comme chacun de nous ici, pour défendre l'Église. C'est assez. Je suis là. Je ne voudrais pas, avant de mourir, avoir encore tué une petite fille. Aide-moi, toi aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Il faut d'abord que tu comprennes que proclamer que tu es sûr que Dieu t'envoyait ne peut plus être utile à rien ni à personne. Ton roi même, en avisé politique, a manifesté par les lettres que nous t'avons lues qu'il ne voulait en aucune façon être redevable de sa couronne à une intervention divine dont tu aurais été l'instrument. Mets-toi à ma place, Jeanne. S'il a fallu un miracle pour que je sois sacré roi de France, c'est qu'alors il n'était pas tout naturel que je le sois. C'est que je n'étais pas vraiment le fils de mon père. Sinon, mon sacre allait de soi. Tous les rois ont toujours été sacrés dans ma famille, sans qu'on ait eu besoin d'un miracle. Ils te mijotent un petit verdict qui va te proclamer sorcière, hérétique, envoyée du diable à coup sûr. J'ai mieux laissé entendre que tu n'as jamais été envoyée par rien du tout. Comme cela, Dieu ne m'a ni aidé, ni abandonné. J'ai gagné parce que j'étais le plus fort momentanément, je suis en train de me faire piler parce qu'en ce moment, je suis le moins fort. Ça, c'est de la politique. C'est sain. Tu comprends? Oui, je comprends. Je suis heureux de te voir enfin raisonnable. On t'a posé beaucoup de questions dans lesquelles tu t'es perdu. Je vais t'en poser trois essentielles. Réponds-moi oui trois fois et nous serons tous sauvés ici. Toi qui vas mourir et nous qui allons te faire mourir. Posez toujours. Je verrai si je peux répondre. La première question est la seule importante. Si tu me réponds oui, les autres réponses iront de soi. Écoute bien et pèse chaque terme. Vous en remettez-vous avec humilité à la Sainte Église apostolique et romaine, à notre Saint-Père le Pape et à ses évêques, du soin d'apprécier vos actes et de vous juger. Faites-vous acte de soumission entière et totale et demandez-vous à rentrer dans le sein de l'Église. Il suffit que tu répondes oui. Je ne veux pas être obligée de dire le contraire de ce que mes voix m'ont dit. Je ne veux rien avoir à témoigner contre mon roi. Rien qui puisse ternir la gloire de son sacre, qui lui est acquise à jamais maintenant. Écoutez l'homme, il n'y a pas deux façons de le faire taire. Mais enfin, Jeanne, es-tu folle? Ne vois-tu pas cet homme en rouge qui t'attend? Tu dois pourtant comprendre que c'est mon dernier geste pour toi, que je n'en pourrai plus d'autre. L'Église veut encore croire que tu es une de ses filles. Elle a posé avec soin la forme de sa question pour te faciliter la route. Et tu ergotes, tu marchandes. Tu n'as pas à marchander avec ta mère, impudente fille. Tu dois la supplier à genoux de t'envelopper dans sa robe et de te protéger. La pénitence qu'elle t'infligera, tu l'offriras à Dieu avec l'injustice, si tu y trouves de l'injustice. Notre Seigneur a souffert plus que toi, pour toi, dans l'humiliation et l'injustice de sa passion. A-t-il marchandé, lui? A-t-il ergoté quand il s'est agi de mourir pour toi? Tu es en retard sur lui, des gifles, des crachats au visage, de la couronne d'épines et de l'interminable agonie entre deux voleurs. Tu ne pourras jamais le rattraper. Tout ce qu'il te demande par notre voix, c'est de te soumettre au jugement de son Église. Et tu hésites. Pardon, messire. Je n'avais pas pensé que notre Seigneur pouvait le vouloir. C'est vrai qu'il a dû souffrir plus que moi. Je me soumets. Supplies-tu humblement et sans restriction aucune, la Sainte Église catholique de te reprendre dans son sein et t'en remets-tu à son jugement? Je supplie humblement ma mère l'Église de me reprendre dans son sein et je m'en remets à son jugement. Bien, Jeanne. Le reste va être tout simple maintenant. Promets-tu de renoncer à jamais de prendre les armes? Si mon roi a encore besoin de moi. Oh là là, si c'est pour moi, vous pouvez dire oui tout de suite. Je n'ai plus besoin de vous. Alors oui. Promets-tu de renoncer à jamais à porter contre toutes les lois de la décence et de la modestie chrétienne cet impudent habit d'homme dont tu t'es affublé? Vous me l'avez demandé 10 fois. L'habit n'est rien. Ce sont mes voix qui m'ont dit de le prendre. C'est le diable! Qui, hors du diable, aurait pu inciter une fille à choquer ainsi la pudeur? Le bon sens, messire. Le bon sens? Aïe, l'abandon avec toi, le bon sens. Le bon sens, une culotte à une fille. Bien sûr. Je devais chevaucher au milieu des soldats pour qu'ils ne pensent pas que j'étais une fille, pour qu'ils ne voient qu'un soldat comme eux dans moi. Il fallait bien que je sois vêtue comme eux. Mauvaise réponse. Une fille qui n'est pas damnée d'avance n'a pas à aller courir avec des soldats. Admettons même que cet habit ait été utile pour la guerre. Depuis que nous te tenons, depuis que tu as cessé de te battre, pourquoi as-tu toujours refusé de reprendre l'habit de ton sexe? Je ne le pouvais pas. Pourquoi? Si j'avais été en prison d'église, j'aurais accepté. Oh, vous voyez bien, monseigneur, que cette fille ergote, qu'elle se joue de nous. Pourquoi dans la prison d'église aurais-tu accepté et refuses-tu dans la prison où tu es? Je ne comprends pas, moi. Et je veux comprendre. C'est pourtant bien facile à comprendre, messire. Il n'y a pas besoin d'être grand clair. Mais c'est facile à comprendre et moi je ne comprends pas parce que je ne suis qu'une bête, sans doute. Notez, messire, notez qu'elle m'insulte dans l'exercice de mon ministère public, qu'elle se fait un titre de gloire de son impudeur, qu'elle s'en vante, qu'elle y trouve je ne sais quelle jouissance obscène. Le diable est là, messire, le diable est là, je sens son affreuse présence. C'est lui qui lui dicte de refuser de quitter cet habit d'homme, pas de doute là-dessus. Mettez-moi en prison d'église. Et je le quitterai. Mais tu n'as pas à marchander avec l'église, Jeanne. Monseigneur te l'a dit, tu quitteras de toute façon cet habit ou tu seras déclarée sorcière et brûlée. Pourquoi, si tu en acceptes le principe, ne veux-tu pas quitter cet habit dans la prison où tu es présentement? Je n'y suis pas seule. Et alors? Deux soldats anglais veillent jour et nuit dans la cellule avec moi. Et alors? Vas-tu répondre? Tu ne trouves plus rien à inventer, n'est-ce pas? Je croyais le diable plus malin. Je ne lui fais pas mes compliments. Tu le sens prise, hein, ma fille? Que te voilà toute rouge, maintenant. Il faut que tu répondes, Jeanne, à présent. Je crois te comprendre, mais il faut que ce soit toi qui le dise. Les nuits sont longues. Je suis enchaînée. J'essaie bien de ne pas dormir, mais quelquefois, la fatigue est plus forte. Et alors? Les nuits sont longues, tu es enchaînée, tu as envie de dormir, et alors? Avec cet habit-là, je peux mieux me défendre. Et tu as à te défendre de cette façon-là depuis le début du procès? Depuis que je suis prise, messire. Toutes les nuits. Dès que vous me renvoyez là-bas, le soir, ça recommence. Je me suis habituée à ne pas dormir. C'est pour ça que quelquefois, le lendemain, quand on me ramène devant vous, je réponds un peu de travers. Mais c'est long, toutes les nuits. Et ils sont forts et rusés. Faut que je me batte dur. Seulement, si j'ai une jupe... Pourquoi n'appelles-tu pas l'officier pour qu'on te défende? Ils m'ont dit qu'il serait pendu si j'appelais. Reviens dans le sein de ta mère, l'église, Jeanne. Accepte de reprendre l'habit de femme et c'est l'église qui te protégera dorénavant. Tu n'auras plus à te battre, je te le promets. Alors j'accepte. Bien. Merci, Jeanne, de m'avoir aidé. J'ai craint un moment de ne pouvoir te sauver. On va te lire ton acte d'abjuration, il est tout préparé. Tu n'auras qu'à le signer. Je ne sais pas écrire. Tu feras une croix. Messire inquisiteur, me permettez-vous de rappeler frère l'advenu pour qu'il lise l'acte? Je lui avais demandé de le rédiger. Nous devons d'ailleurs être complets maintenant pour prononcer la sentence, puisque Jeanne revient parmi nous. Vous devez être satisfait. L'homme a dit oui. J'attends la fin. Rappelez, frère, l'advenu. Messire inquisiteur, vous n'allez pas laisser faire une chose pareille. Si elle a dit oui. Monseigneur l'évêque a conduit ses débats avec une indulgence pour cette fille que je n'arrive pas à comprendre. Je sais pourtant de sources sûres qu'il mange au râtelier anglais. Mangerait-il encore plus gros au râtelier français? Voilà la question que je me pose. Je ne me la pose pas, messire promoteur. Ce n'est pas une question de mangeoire. C'est beaucoup plus grave. Oh Seigneur, vous avez permis à la 11e heure que l'homme s'humilie et s'abaisse dans cette jeune fille. Vous avez permis que cette fois il dise oui. Pourquoi, en même temps, avez-vous laissé naître une inavouable tendresse au cœur de ce vieil homme usé par une vie de compromis qui la jugeait? Ne permettrez-vous donc jamais, Seigneur, que ce monde soit débarrassé de toute trace d'humanité, afin que nous puissions le consacrer en paix à votre gloire? Frère l'advenu, Jeanne est sauvée. Elle accepte de rentrer dans le sein de notre mère l'Église. Lisez-lui l'acte d'abjuration Elle va le signer. Merci, Jeanne. J'ai prié tout le temps pour toi. Moi, Jeanne, communément appelée la Pucelle, je confesse avoir péché par orgueil, opiniâtreté et malice en prétendant avoir reçu des révélations de notre Seigneur Dieu par l'intermédiaire de ses anges et de ses bienheureuses saintes. Je confesse avoir blasphémé en portant un costume immodeste, contraire à la bienséance de mon sexe et au canon de notre Sainte Mère l'Église, et avoir incité par mes maléfices des hommes à s'entretuer. Je désavoue et abjure tous ces péchés. Je jure sur les saints évangiles de renoncer à porter jamais des habits d'hérésie et de ne jamais plus prendre les armes. Je déclare m'en remettre humblement à notre Sainte Mère l'Église et à notre Saint-Père le Pape de Rome et à ses évêques pour l'appréciation de mes péchés et de mes erreurs. Je la supplie de me recevoir dans son sein et me déclare prête à subir la sentence qu'il lui plaira de m'infliger, en foi de quoi j'ai signé de mon nom sur cet acte d'abjuration dont je déclare avoir eu connaissance. Je fais un rond ou une croix? Je ne sais pas écrire mon nom. Je vais te tenir la main. Voilà, Jeanne. Ta mère est en fait de te voir revenue à elle. Et tu sais qu'elle se réjouit plus pour la brebis égarée que pour les 99 autres. Ton âme est sauvée et ton corps ne sera point livré au bourreau. Nous te condamnons seulement, par grâce et modération, à passer le reste de tes jours en prison pour la pénitence de tes erreurs, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse, afin que tu puisses t'y repentir par la contemplation solitaire, et moyennant quoi, nous te déclarons délivré du danger d'excommunication où tu étais tombé. Tu peux aller en paix. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Je te bénis, Jeanne. Reconduisez-la. Bien, monseigneur, bien. Je me suis demandé un moment quelle étrange lubie vous poussait à sauver coûte que coûte cette jeune fille. Et si vous n'aviez pas tendance à trahir un tout petit peu votre roi. Quel roi, monseigneur? Et j'ai dit votre roi, vous n'en avez qu'un, je présume. Oui, j'ai eu peur à cause de vous. Et puis je réfléchis. L'abjuration nous suffit amplement pour déshonorer le petit Charles. Cela a même l'avantage de nous éviter les conséquences du martyr, qui sont toujours imprévisibles avec la sentimentalité actuelle des peuples. Le bûcher, cette petite fille irréductible au milieu des flammes, ça avait un petit air de triomphe encore pour la cause française. L'abjuration, ça a quelque chose de lamentable. C'est parfait. Tous les personnages se sont retirés. Apparaît Jeanne, reconduite dans sa prison par un garde. Agnès Sorel, la reine Yolande et Charles l'attendent sur son passage. Jeanne, ma chère, vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes contentes de ce succès. Félicitations. C'était absolument inutile de mourir, ma petite Jeanne. Et il faut que tout ce qu'on fait dans la vie soit efficace. Moi, on jugera mon attitude de diverses façons, bien sûr, mais du moins, je n'ai jamais rien fait qui ne soit efficace. C'est trop bête. J'aime beaucoup les procès politiques. Je demande toujours à Charles de m'avoir une place. Un homme qui défend sa tête, c'est un spectacle passionnant. Mais là, vraiment, je n'étais pas heureuse. Tout le temps, je me disais, c'est trop bête. Ce pauvre petit bout de chou qui va se faire tuer pour rien. C'est si bon, vous savez, Jeanne, de vivre. Oui, vraiment, quand vous avez failli tout compromettre à cause de moi, j'étais touchée, bien sûr. Mais je ne savais pas comment vous faire comprendre que vous faisiez fausse route. Je n'aime pas qu'on m'aime. Cela vous crée des obligations et j'ai horreur des obligations. Occupez-vous bien de Charles. Qu'il ait du courage, toujours. Mais bien sûr, Sot. Je travaille dans le même sens que vous. Vous croyez que j'ai envie d'être la maîtresse d'un petit roi toujours battu? Vous verrez que j'en ferai un grand roi du petit Charles. Et sans me faire brûler pour lui, moi. C'est un peu triste à dire, Jeannot. Mais avec mes petites scènes au lit, j'ai obtenu de lui autant que vous. Pauvre Charles. Pourquoi pauvre? Il est très heureux comme tous les égoïstes. Et il deviendra tout de même un très grand roi. Nous y veillerons, Jeanne. Avec d'autres moyens que vous, mais très efficacement aussi. Même sa petite majesté, n'est-ce pas? Qui lui a fait un second garçon. C'est tout ce qu'elle sait faire, mais elle le fait très bien. Et comme ça, le premier peut mourir, on est tranquille. La succession est tout de même assurée. Vous voyez, vous laissez tout en ordre, Jeanne, à la cour de France. Vous venez, chérie? J'ai horreur de cette atmosphère de prison. C'est d'un humide. Au revoir, Jeanne. Nous reviendrons vous faire une petite visite de temps en temps. Au revoir, Charles. Au revoir, au revoir. En tout cas, si vous revenez à la cour, il faudra que vous m'appeliez sire maintenant, comme tout le monde. Depuis que je suis sacré, j'y veille. La Trémouille même le fait. C'est une grande victoire. Adieu, sire. Je suis contente de vous avoir au moins obtenu cela. Jeanne est maintenant seule dans sa prison. Monseigneur Saint-Michel, Mesdames Catherine et Marguerite, vous ne me parlerez donc plus? Pourquoi m'avez-vous laissée seule depuis que les Anglais m'ont prise? Vous étiez là pour me conduire à la victoire, mais c'est surtout dans la peine que j'avais besoin de vous. Je sais bien que cela serait trop facile que Dieu vous tienne toujours la main. Où serait le mérite? Il m'a pris la main au début parce que j'étais encore petite, et après, il a pensé que j'étais assez grande. Je ne suis pas encore très grande, mon Dieu. Et l'évêque parlait si doucement. Il m'a semblé plusieurs fois que c'était lui qui avait raison. Sans doute, vous avez voulu cela, mon Dieu. Et aussi que j'ai eu si peur de souffrir quand cet homme a dit qu'il ne pourrait même pas m'étrangler. Sans doute avez-vous voulu que je vive. C'est bien. Il faudra que je réponde toute seule à cette question-là aussi. Vous pleurez? Non, monseigneur. Et moi qui venais vous féliciter. Heureux ici, en somme, de ce procès. Je le disais à Cochon, je suis très heureux que vous ayez coupé au bûcher. Ma sympathie personnelle pour vous, mise à part, on souffre horriblement, vous savez, et c'est toujours inutile, la souffrance. Et inélégant. Je crois que nous avons tous intérêt à vous avoir évité le martyr. Je vous félicite bien sincèrement. Malgré votre petite extraction, vous avez eu un réflexe de classe. Un gentleman est toujours prêt à mourir quand il le faut, pour son honneur ou pour son roi, mais il n'y a que les gens du petit peuple qui se font tuer pour rien. Et puis, cela m'amusait de vous voir damer le pion à cet inquisiteur. Sinistre figure. Ces intellectuels sont ce que je déteste le plus au monde. Ces gens sans chair, quelques animaux répugnants. Vous êtes vraiment vierge? Oui. Oui, bien sûr. Une femme n'aurait pas parlé comme vous. Ma fiancée en Angleterre, qui est une fille très pure, résonne tout à fait comme un garçon. Elle aussi, elle est indomptable comme vous. Savez-vous qu'un proverbe indien dit qu'une fille peut marcher sur l'eau? Quand elle sera Lady Warwick, nous verrons si elle continuera. C'est un état de grâce d'être pucelle. Nous adorons cela. Et malheureusement, dès que nous en rencontrons une, nous nous dépêchons d'en faire une femme. Et nous voudrions que le miracle continue. Nous sommes des fous. Cette campagne est finie. Bientôt, j'espère, vous savez, votre petit Charles est tout à fait knock-out maintenant. Je rentre en Angleterre. faire cette folie. Warwick Castle est une très belle demeure. Un peu grande, un peu sévère, mais très belle. J'y élève des chevaux superbes. Ma fiancée monte très bien, mais moins bien que vous. Mais très bien. Elle sera heureuse là-bas. Nous chasserons le renard, nous donnerons quelques belles fêtes. Et je regrette que tant de circonstances contraires ne me permettent pas de vous inviter. Voilà. Je tenais à vous faire cette petite visite de courtoisie comme on serre la main après un match. J'espère ne pas vous avoir importuné. Mes hommes sont convenables maintenant. Oui. On va sans doute vous transférer dans une prison d'église. En tout cas, pour le temps qui vous reste à passer ici, à la première incorrection, n'hésitez pas à m'avertir. Hein. Je ferai pondre le goujat. Nous ne pouvons pas avoir une armée de gentlemen, mais nous devons y tendre. Madame. Monseigneur. Oui. Cela aurait été mieux, n'est-ce pas, si j'avais été brûlée? Je vous ai dit que pour le gouvernement de Sa Majesté, l'abjuration est exactement la même chose. Non, pour moi. Mais une souffrance inutile. Quelque chose de laid. Non, vraiment, cela n'aurait pas été mieux. Cela aurait même été, je vous l'ai dit, un peu vulgaire, un peu peuple, un peu bête de vouloir mourir coûte que coûte pour braver tout le monde et crier des insultes sur le bûcher. Mais je suis du peuple, moi. Je suis bête. Et puis ma vie n'est pas ornée comme la vôtre, monseigneur. Toute lisse, toute droite. Entre la guerre, la chasse, les plaisirs et votre belle fiancée. Qu'est-ce qui va me rester à moi quand je ne serai plus Jeanne? Non, ils ne vont pas vous faire une vie très gaie, certainement, tout au moins au début. Mais vous savez, les choses s'arrangent toujours avec le temps. Je ne veux pas que les choses s'arrangent. Je ne veux pas le vivre, votre temps. Vous voyez Jeanne, ayant vécu, les choses s'étant arrangées, Jeanne délivrée peut-être, végétant à la cour de France d'une petite pension. Mais je vous dis que dans 6 mois, il n'y aura plus de cour de France. Jeanne acceptant tout. Jeanne avec un ventre. Jeanne devenue gourmande. Vous voyez Jeanne fardée en hennin, empêtrée dans ses robes, s'occupant de son petit chien ou avec un homme à ses trousses. Qui sait, Jeanne mariée? Pourquoi pas? Il faut toujours faire une fin. Je vais moi-même me marier. Mais je ne veux pas faire une fin. En tout cas, pas celle-là. Pas une fin heureuse. Pas une fin qui n'en finit plus. Monsieur Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, vous avez beau être muet maintenant. Je ne suis née que du jour où vous m'avez parlé. Je n'ai vécu que du jour où j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. À cheval, une épée dans la main. Vous vous taisiez, mon Dieu. Mais quand vous vous taisez, vous me l'avez fait dire au début par Monseigneur Saint-Michel, c'est quand vous nous faites le plus confiance. C'est quand vous nous laissez assumer tout seul. Eh bien, j'assume, mon Dieu. Je prends sur moi. Je vous rends Jeanne. Pareille à elle. Et pour toujours. Appelle tes soldats, Warwick! Appelle tes soldats, je te dis, vite! Je renonce à l'abjuration. Je renonce à l'habit de femme. Ils vont pouvoir l'utiliser, leur bûcher. Ils vont enfin l'avoir, leur fête. Pas de folie, je vous en prie. Je suis très satisfait comme ça, je vous l'ai dit. Et puis d'abord, j'ai horreur des supplices. Je ne pourrais pas vous voir mourir. Il faudra avoir du courage, petit gars. J'en aurai bien, moi. Tu es bien gentil tout de même, malgré ta petite gueule de gentleman. Mais tu vois, il n'y a rien à faire. On n'est pas de la même race, tous les deux. Soldats! Soldats! les personnages reviennent rapidement, empoignant des fagots, hurlant des cris de mort, précédant le bourreau qui traîne Jeanne, aidé par deux soldats anglais. L'advenu, tout pâle, suit. Un bûcher est dressé. On y fait grimper Jeanne. On l'attache au poteau. On cloue l'écriteau infamant sur sa tête. Stupide! C'est stupide! Nous avions bien besoin de cette mise en scène. Une croix! Une croix, par pitié! Pas de croix pour une sorcière! Je vous en supplie, une croix! L'advenu à l'église paroissiale, courez! C'est irrégulier! Vous ne protestez pas, messire inquisiteur! Avec ou sans croix, mais qu'elle se taise, vite! Regardez-la sur son bûcher qui nous narque! Mais on ne triomphera donc jamais de lui! Une croix! Tiens, ma fille! Il me dégoûte après tout, tous ces curés! Elle a droit à une croix comme les autres, cette fille-là! Elle est hérétique! Je te défends, l'homme! Moi, je t'en vais! Oh, monseigneur! Cet homme doit être arrêté et jugé aussi comme hérétique. J'exige que vous le fassiez immédiatement arrêter. Vous m'ennuyez, monsieur. J'ai 800 hommes comme cela, tous plus hérétiques les uns que les autres. C'est avec ça que je fais la guerre, moi. Allez, mets le feu, toi, vite. Que la fumée l'entoure, qu'on ne la voit plus. Il faut faire vite. Dans 5 minutes, monseigneur, tout le monde sera pour elle. Je crois que ça soit déjà fait. Pas de croix, frère l'advenu. Laissez, chanoine, je vous l'ordonne. J'en référerai en cour de Rome. Vous en référez au diable si vous voulez pour le moment. C'est moi qui commande ici. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Courage, Jeanne. Nous prions tous pour toi. Merci, petit frère. Mais descends. Tu seras en danger d'être brûlé, toi aussi. Alors, l'homme, ça y est. Ça y est, messire. Ça brûle. Dans 2 minutes, la flamme l'atteindra. Enfin. Mon Dieu, pardonnez-nous. À genoux, chanoine. Elle regarde droit devant elle. Oui, messire. Sans faiblir. Oui, messire. Et il y a presque comme un sourire, n'est-ce pas, sur ses lèvres? Oui, messire. Je ne le vaincrai jamais. Non, messire. Oh, roi. Roi, tu seras dans ma dernière demeure. Oh, Jésus. Pauvre petite Jeanne, c'est trop bête. Vous croyez qu'elle souffre déjà? C'est un mauvais moment à passer. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez! Oh, mais j'arrive à temps. Mais on peut pas finir comme ça, monseigneur! On n'a pas joué le sacre! On avait dit qu'on jouerait tout! C'est pas juste! Jeanne a droit à jouer le sacre! C'est dans son histoire! C'est exact! Nous allions commettre une injustice! Vous voyez? J'étais sûr qu'on oublierait mon sacre! On n'y pense jamais à mon sacre! Il m'a pourtant coûté assez cher! Allons bon, le sacre maintenant! C'est d'un mauvais goût! Ma présence à cette cérémonie serait indécente, monseigneur, je m'éclipse. De toute façon, pour moi, c'est fini, elle est brûlée. Le gouvernement de Sa Majesté a atteint son objectif politique. Défais le bûcher, l'homme! Détache Jeanne! Et qu'on lui apporte son épée et son étendard! Cet homme a raison. La vraie fin de l'histoire de Jeanne, la vraie fin qui n'en finira plus, celle qu'on se redira toujours quand on aura oublié ou confondu tous nos noms, ce n'est pas dans sa misère de bête traquée à Rouen. C'est l'Alouette en plein ciel. C'est Jeanne à Reims, dans toute sa gloire. La vraie fin de l'histoire de Jeanne est joyeuse. Jeanne d'Arc, c'est une histoire qui finit bien. Mais heureusement, je suis arrivé à temps. Oh, les imbéciles, ils allaient brûler Jeanne d'Arc. Vous rendez compte? Avance-toi! Avance, je te dis, t'es sourd, et tire tes doigts de ton nez. Prends modèle sur ta sœur, regarde. Regarde comme elle est à l'honneur. T'en sens fier d'être son père. J'avais toujours dit, moi, que cette petite avait de l'avenir.